Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Et même s'il pleut, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo. Bienvenue sur Démocratie Participative, saison 1, épisode 4. Alors, en préambule, pour ceux qui voudraient nous envoyer des messages, qui voudraient discuter, nous proposer des sujets, etc., vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, adresse email suivante, Démocratie Participative, Démocratie sans accent. Et pas de tiret entre démocratie et participative, donc en un seul mot, @mail.ru. Alors, cette semaine, il s'en est passé des choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais avant d'aborder tout ça, je vais vous présenter nos invités. Alors évidemment, Laurent Grozon, qui est avec nous. Comment vas-tu, bonjour. Laurent, ça Bonsoir, en pleine forme, tout va bien. J'ai passé le 14 juillet loin de Nice, donc je suis encore là. Et est-ce que tu mets des champignons toujours sur ton mur Facebook? Alors non, là je suis un petit peu calmé, mais bon, voilà, je suis encore présent et je compte vous faire plaisir avec mes analyses profondes, n'est-ce pas? Ah oui, profondes. Fulbert, comment vas-tu? Fulbert va bien, merci, bonjour à tous, et voilà. Gérardus, un petit jeune qui n'en veut. Bonjour à tout le monde. Argyle, ça va? Ça va comme un jeune. Formidable. Hopman America, dit Captain, hein, on l'appelle Captain. C'est la première fois qu'il intervient sur l'émission. Bienvenue à toi, Captain. Je vous remercie, bonjour à tous, et en avant Guingamp. Ah oui, ouais. Enfin, il n'y a que des nègres en même temps, mais bon, c'est un autre sujet. MacDav, comment vas-tu? Salut les youpins. Moi, je suis pas juif. Ouais. Poporo, comment vas-tu? Bonsoir, bonjour, salut. Eh, et il est où mon shalom? Ah, shalom alaikum, c'est ça que t'attendais. Attends, on s'y fait. On a l'habitude maintenant. Bon, alors, on va parler, il y a beaucoup de sujets à aborder, c'est positif, parce que en fait, s'il se passe rien, ça pourrait être assez, j'allais dire, monotone, mais l'actualité française fait qu'on s'ennuie jamais, c'est moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, dans cette première partie d'émission, on va aborder des sujets d'actualité, et dans la deuxième, enfin, bien évidemment d'actualité, mais qui sont moins, sous le feu des projecteurs que ce qui s'est passé à Nice. Et donc, dans la deuxième partie de l'émission, on va aborder, sous toutes les coutures, on va dire, ce qui s'est passé à Nice. Mais dans la première partie, on va faire un petit peu le tour de ce qui nous a semblé valoir la peine d'être discuté. Alors, on va commencer un petit peu football. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans de football parmi nos invités, mais... on a un petit peu oublié avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours autour de Nice à partir du 14 juillet, mais il y avait un autre matraquage médiatique autour donc de l'Euro, avec la finale des Bleus, n'est-ce pas? Et quelque part après la défaite de l'Allemagne face à la France, on a eu une accélération de l'emballement médiatique. pour ainsi dire, la Coupe d'Europe était déjà vendue à l'équipe de France, et déjà, on voyait poindre le matraquage en faveur du multiculturalisme, évidemment, puisque l'équipe de France était largement composée d'Africains. Et patatras, ça s'est pas du tout conclu comme ça devait se conclure, et on a eu une défaite sur le fil du rasoir de l'équipe de France. Et je pense que ça vaut le coup d'en parler quand même, parce que même si l'actualité récente a complètement fait oublier l'euro, il y a encore 5 jours de ça, on parlait que de Griezmann, avec les dieux du stade, etc. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire? Vous avez un petit peu suivi cette finale la veille de la finale ou pas? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en particulier? Ah bah moi je suis juste content qu'on se soit débarrassé des nègres, mais c'est tout ce que j'ai à en dire. Hein. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus calé en foot qui veut intervenir. Bah écoute, moi je suis pas vraiment le foot parce que c'est un sport que je ne supporte pas à l'échelon professionnel. Mais j'ai regardé le match France-Islande, j'ai bien sûr supporté l'Islande, puisque l'Islande est composée d'Européens, quoi, et que je me reconnais plus facilement dans l'équipe d'Islande que dans l'équipe de France. Et j'ai véritablement été dégoûté de voir cette déculottée infligée à un pays nordique par une équipe remplie de métèques, de nègres et compagnie, quoi. Donc finalement, je suis très satisfait de la défaite de l'équipe française. Et c'est tout ce que j'ai à dire. T'as regardé la finale ou pas? Ouais. Non, même pas, parce que finalement, voir, si tu veux, l'équipe du Portugal, où t'as déjà des négros et des métèques qui jouaient contre une autre équipe quasiment composée que d'Africains, je vois même pas l'intérêt, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison de s'emballer pour l'équipe du Portugal, qui est très largement métissée. Par hasard, la proportion de nègres ne définirait pas la... Oui, voilà, c'est ça. C'est par défaut, en fait. Et après, il y a le contexte. C'est-à-dire, est-ce qu'à domicile, tu avais envie que, tu vois, compte tenu de ce qui est en train de se profiler, genre France 98, remix, mais remix avec moins de mix, parce que là, il y avait que des négros, ça valait quand même le coup de s'intéresser à ce qu'a fait le Portugal. Enfin bon, t'as pas suivi, il n'y a pas de souci. Quelqu'un a regardé la finale? Moi, j'ai regardé. J'ai suivi la compétition, mais évidemment, sans être un supporter acharné de l'équipe de France. Bon, j'aime bien le foot, c'est sûr que... on aimerait être représenté par 11 Français plutôt que par... Mais au-delà de l'aspect sportif, ou même on peut parler un peu de l'aspect sportif, c'est-à-dire que le Portugal, en fait, a pourri la compétition en arrivant à... Ils ont fait un match qui était bon, c'était celui contre la demi-finale contre le Pays de Galles, où là, ils gagnent net sans bavure. Après, sinon, ils ont pourri la compétition avec des matchs de merde. Moi, je trouve que même, effectivement, il y a pas mal de Noirs, d'Africains dans l'équipe du Portugal, mais en plus, les locaux, putain, ils ont des gueules, j'ai du mal à me dire, putain, c'est mes frères européens, quoi, ils ont tous des gueules, enfin, je sais pas si vous avez vu, même Ronaldo, putain, il fait pas européen, enfin, ils ont dû subir un mélange pas possible, il y en a un autre joueur aussi qui a des tatouages sur la gueule, mais il a une gueule d'arabe, il a rien à voir avec un européen, enfin bon, bref, j'ai vachement eu mal à me dire, quand j'ai vu quelques réactions, ouais, victoire de l'Europe lors de la finale de l'euro, non, là, franchement, que là où l'autre gagne, c'était quand même assez désastreux. Sinon, après, le fait qu'on nous ait mis la propagande, ça, il fallait s'y attendre, mais il faut savoir qu'il y a donc maintenant, ça fait quoi? Ça fait c'est 18 ans, hein, en 98, il y a eu le succès de la France Black Blamber, mais 4 ans après, Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. Je crois que le fait que des mercenaires africains gagnent une compétition, au nom de l'équipe de France ne fait pas pour autant oublier aux Français moyens que c'est Mamadou et Mohamed qui le font chier, qui violent sa fille, qui ont cambriolé sa bagnole, qui pissent dans sa cage d'escalier. Donc je crois pas que politiquement ça puisse, même si c'est le même type qui vote FN, qui ne peut pas saquer les Noirs et les Arabes et qui va supporter l'équipe de France. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais il faut savoir que en fin de compte, il ne va pas se satisfaire de l'immigration, même s'il est fan de l'équipe de France, parce que comment l'équipe de France, qui est composée à 80% de Noirs, va gagner une compétition. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus y voir... Voilà, la propagande à ce niveau-là a atteint ses limites. Ça marche peut-être avec des gamins, mais bon, vu que de plus en plus jeunes, ils sont emmerdés par des afro-maghrébins partout où ils vont, je crois qu'à un moment, où tu arrives à faire la part des choses, même si tu aimes bien le foot. Et comment dire, la finale, je veux dire, entre les deux équipes, Finalement, cette équipe, bon, effectivement, qui a la composition qu'elle a, est-ce qu'elle a été capable de produire un jeu qui était intéressant ou est-ce que, somme toute, c'était moyen ? Qu'est-ce que... Là, on arrive à des joueurs. Griezmann, il avait 65 matchs dans les pattes, c'est énorme. Bon, même si j'imagine qu'ils sont tous plus ou moins dopés, ça devient beaucoup. Donc les deux équipes, ils étaient assez fatigués. L'équipe de France a eu plus d'occasions, ils ont manqué de chance à certains moments. Le match était pas, bon, était tendu évidemment. C'est une finale avec des joueurs quand même un peu fatigués. La France qui joue devant son public. Comme on dit à la boxe, la France menait au point et après il y a eu un but absolument magistral de l'Africain du Portugal qui là au moins c'est pas un but de raccro, donc le but était magnifique, le but portugais. Après voilà, c'était d'un point de vue sportif, ça n'avait rien d'exceptionnel, mais c'était pas non plus un match complètement pourri et ça aurait pas été volé non plus que l'équipe de France le gagne. D'accord. On peut même se demander quelque part si ce n'est pas l'africanisation du football qui a vraiment vaincu dans cette Coupe d'Europe. Hein. Mais par ailleurs, moi j'aimerais bien faire une petite remarque. Pour l'équipe de France, très bien, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt l'appeler, vu le contexte politique actuel, l'équipe de la République ? Oui, oui, certainement. Mais c'est vrai qu'il y a une africanisation massive, parce que dans toutes les sélections, moi je regardais le Pays de Galles, pour des raisons qui sont un peu particulières. Ça restait une sélection très européenne, mais somme toute, il y avait quand même quelques basanés dans le lot, hein, et c'est le Pays de Galles. C'est pas la Seine-Saint-Denis, quoi. Et par ailleurs, la Belgique avait une sélection aussi très cosmopolite, hein. Donc, tu n'avais pas expliqué que le Pays de Galles, justement, mettait en avant dans sa communication particulièrement les joueurs africains ou basanés, etc. Clairement oui. La Suisse valait le détour aussi. Ah ouais, c'est... Ah d'accord. Voilà, la Suisse, il y a beaucoup d'immigrés. Voilà, donc en gros, en Europe, hein, les équipes de foot, c'est des Africains partout, et c'est ceux-là qu'on met en avant. S'il y a des Blancs dans l'équipe, de toute façon, pour la communication, on va vous mettre des Nègres. Ouais. C'est promis, c'est garanti, il n'y a pas de problème. J'ai pas vu l'équipe d'Angleterre. Bon, généralement, ils ont un ou deux nègres. D'ailleurs, qui généralement volent pas trop leur place. Il y avait du métis aussi. C'était presque leur. Ils ont perdu en huitième. En huitième, contre l'Islande. Il y avait presque facilement la moitié de l'équipe. Hein, parce que même ceux qu'on croyait blancs, en fait, quand tu faisais des plans de caméra rapprochés, tu voyais qu'ils n'étaient pas loin de l'être à 100%, et même ne serait-ce à peine à 50%. C'est sûrement des Jamaïcains métissés, un truc de ça. Et qu'est-ce qu'il y avait, ces sélections anglaises, là ? Parce que j'ai l'impression, dans les compétitions internationales, l'Angleterre, là, ça fait un moment qu'ils font pas grand-chose. Quoi. Totalement à chier, et l'Islande méritait largement sa victoire. Oui, alors justement, en parlant de l'Islande, parce que c'est une sélection qui est un peu étonnée. Donc l'Islande, faut quand même dire pour les gens que c'est un pays qui fait, je crois, entre 300 et 400 000 habitants, 350 000, quelque chose comme ça. Donc c'est juste une grosse ville française, hein. Et c'est une sélection qui a attiré la sympathie de certains publics, et pas forcément d'ailleurs d'extrême droite, hein, justement parce que c'était assez sobre, en fait, ça avait l'air assez assez sain, quoi. C'était une équipe vraiment du peuple qui fait son football, que personne n'attend, qui s'en sort bien, voilà. Et ça, je crois que ça a marqué les esprits. Et ce que j'ai relevé, je sais pas si c'est mon imagination ou quoi. C'est que vous savez, ils faisaient le salut, c'est-à-dire qu'ils allaient voir leurs supporters qui venaient d'Islande jusqu'en France, et donc ils se rassemblaient au coin du stade et ils applaudissaient, vous savez, ils faisaient pour saluer un petit peu leurs supporters. Et curieusement, mais peut-être que c'est moi qui déconne, l'équipe de France s'est mise à faire la même chose. Je sais pas si vous avez remarqué ça, c'est-à-dire qu'ils se foutaient au coin du stade et ils se mettaient à applaudir en face de leurs supporters qui faisaient la même chose. Ah oui, j'ai expliqué le clapping qui a été là popularisé par qui existe déjà dans les clubs, certains clubs le font, mais là c'est véritablement l'Islande qui l'ont popularisé lors de l'Euro, et l'équipe de France l'a fait en fait après avoir battu l'Allemagne. Ils sont allés faire exactement ce que faisaient les Islandais parce que ça marchait, quoi. C'est purement et simplement un plagiat au cours de la compétition, quoi. Donc c'est ce qu'on pouvait attendre d'une équipe composée de joueurs issus de la diversité, je pense. Le truc, ce que je vois là-dedans, en fait, c'est que, en fait, on a un truc qui est Toi, tu dis, ouais, c'est un usage qui est connu dans certains clubs, c'est fait et tout. Mais quand les Islandais le font, ça a l'air vraiment authentique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie empathie entre leurs supporters et eux. Parce que probablement, la plupart de ces joueurs-là, en fait, ils sont dans le privé, ils sont soit cadres dans une boîte de com, soit plombiers. Non, ils sont tous professionnels, hein, mais professionnels de seconde ou troisième zone. Par contre, ce qui était. Alors voilà, l'équipe d'Islande, ils ne sont pas habitués non plus à gagner beaucoup de matchs. Leurs spectateurs sont pas habitués à participer à une compétition internationale, donc il y avait tout un côté nouveau et un esprit, à mon avis, très sain. Il y avait quand même 30 000 Islandais en France pour soutenir l'équipe de France. Ça équivaut à 10% de la population. C'est comme si il y avait 6 500 000 Français qui allaient soutenir l'équipe de France dans une compétition à l'étranger. Donc ça avait un côté pour eux voilà, complètement fabuleux d'être là, et il y a eu une véritable communion d'un peuple totalement homogène ethniquement, et c'est vrai que c'était beau à voir. Ils sont sortis un peu de nulle part, et même voilà, que ce soit politiquement, sportivement ou tout ce qu'on veut, c'était une divine surprise. Ah, c'était sympa. Et c'était le côté naturel du truc, sain, qu'on peut trouver probablement dans beaucoup de clubs en France. Enfin, je veux dire, des petits clubs, enfin, le truc vraiment, enraciné et naturel. Et derrière, on voit en fait la machine à com digérer ça, c'est-à-dire qu'ils observent le truc, ils le récupèrent et ils te montent un char de communication. Et en fait, qui promeut radicalement l'inverse, c'est-à-dire que c'est la grosse bécane à pognon, complètement cosmopolite, où on fait semblant de créer une communion qui n'existe absolument pas, parce que moi, mon sentiment, c'est que en général, c'est probablement vrai dans les grands pays, mais en France, en fait, en général, l'équipe de France, personne n'y croit vraiment jamais. Ouais, bah, je t'arrête tout de suite, moi, quand je vois la gueule de Pogba, je communie immédiatement avec. Ouais, non, mais on est là, voilà, il y a ce côté-là, c'est-à-dire que c'est un truc qui est fait de briques et de broc, c'est vraiment du... Enfin, comment dire, c'est le bout du professionnalisme où il n'y a pas d'âme, quoi. Et en récupérant ce truc-là, ils essayent de faire croire qu'il y a une vraie empathie, ça, qui a pu apparaître sur la fin de la compétition, parce qu'en fait, les résultats sont là. Alors qu'évidemment, pour les vrais supporters, en fait, tout le challenge consiste à supporter son équipe, peu importe les scores, pour la porter, justement. Si vous avez remarqué ça... Hollande avait été vraiment défait, quoi. C'est-à-dire qu'il avait misé le gros, hein, sur le truc. Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'il avait misé quelque chose là-dessus, hein. Il s'est dit, là, je vais pouvoir m'acheter un été tranquille, enfin me mettre un succès. C'est un peu paumé pour l'été tranquille. Et oui, mais justement, mais c'est ça qui est marrant. C'est que rien n'est écrit. C'est que, en fait, ils avaient réussi plus ou moins à enterrer la loi travail. Ils avaient misé sur un gros mois d'euros où tous les gens seraient devant la télévision. Moi, personnellement, ça me fait saturer, hein, le côté football systématique pour tout le monde. Moi, honnêtement, j'arrive pas. Hein. Ça me fait exploser la tête. Mais ils avaient vraiment misé là-dessus politiquement. Et le fait qu'ils arrivent en finale, c'est vrai qu'Hollande a dû se dire « Ça y est, c'est bon, on y est. Je vais décrocher la timbale. Je vais enfin avoir un succès patent à offrir à l'opinion publique. » Et patatras, ça se passe pas comme ça. Il y a des photos en gros plan où à sa gueule, et on a l'impression que le pépère, il est un peu tombé de sa chaise, quoi. Bon, écoute, c'est terminé. On a eu droit à quelques émeutes quand même, hein, de la part de nos halogènes. Il y a eu quelques Algériens dans la rue quand même. Hein. J'ai bien aimé quand même ce retour à la réalité après une sorte de nuage de l'Euro 2016, et le soir même, ça y est, on était revenu. On va dire à la France habituelle de tous les jours. En fait, j'ai eu plus d'infos parce que c'est au pied de la Tour Eiffel. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, c'est au pied de la Tour Eiffel. Il y a l'écran géant pour le grand public sur le Champ de Mars qui veut regarder le foot. Puis les étrangers, qui sont les touristes qui sont à Paris et qui veulent regarder le match. Et derrière, en fait, on voit en perspective, par la photo prise par soit un hélicoptère, soit un drone, on voit des CRS qui sont déployés, des gaz fumigènes. Et en fait, j'ai appris, enfin moi c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait les bougnoules avaient voulu joindre la zone avec grand écran, et en fait, pour le coup, il y a eu une vraie discrimination négative, c'est-à-dire qu'en fait les Arabes étaient interdits d'accès au Champ de Mars pour pas aller faire chier de la touriste australienne ou allemande, et pas ruiner l'image en fait de la compétition. Et pas de bol, en fait, on a fait un plan large et on a vu le chaos avec des hommes, avec des, évidemment des Algériens avec leur drapeau en train de foutre la zone, etc. Ouais. La France, donc, c'est quand même discriminé quand c'est important, quoi. Hein. Voilà. Quand il y a du gros pognon, une question d'image internationale, on y va gaiement quand même. Hein. On le dit pas, mais on le fait quand même. Hein. Bon, pour cet euro, on a fait un petit peu le tour. Hein. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas passionné de football, etc. Mais je pense que c'était nécessaire d'y revenir. Bon, alors, un peu plus près de nous, la putsch en Turquie, putsch avorté. On pourrait dire peut-être un poupouch, peut-être un poupouch turc. L'armée turque, enfin en fait quelques unités de l'armée turque ont essayé de renverser Recep Tayyip Erdogan, qui est donc le président de la République de Turquie, président islamiste. Ça s'est passé donc, c'est vendredi dans la nuit, hein, si je ne m'abuse, vendredi dans la nuit, enfin dans la nuit de vendredi à samedi, des unités de l'armée sont descendus en tank dans les rues d'Ankara et ont essayé de prendre le contrôle des médias, des différents centres de contrôle du gouvernement. Et ça s'est terminé en foirade. On peut quand même dire que c'est un peu confus cette histoire parce qu'on ne sait pas bien combien de gens étaient impliqués. Ça a été très mal monté visiblement puisque Erdogan était tranquillement en vacances, je crois, à Izmir. Et il n'a pas été inquiété le moins du monde, il a pris son avion, alors les médias internationaux ont dit « bon, peut-être qu'il a fui le pays, il va en Allemagne », et en fait pas du tout, il prenait la direction de l'aéroport, je crois d'Istanbul, si je ne m'abuse, où il a atterri, il a rassemblé ses supporters, etc., et il a lancé la contre-attaque, il n'a pas trop eu de mal, puisqu'effectivement les putschistes étaient peu nombreux, et le fond de l'affaire, visiblement, était une confrontation, parce que bon, je recontextualise hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est que en fait Erdogan a, en tant qu'islamiste au pouvoir depuis plus de 10 ans maintenant, a progressivement réislamisé politiquement le pays. Il appartient à un parti qui s'appelle l'AKP, AKP qui appartient à la nébuleuse des frères musulmans, une frère musulman qu'on connaît pour inclure également le Hamas en Palestine, l'UOIF en France. Hein. Ennahda en Tunisie ou les frères musulmans en Égypte qui ont été renversés. Hillary Clinton aux États-Unis. Oui, qui les soutient effectivement, c'est très juste de le relever. Donc c'est bon, c'est une nébuleuse islamiste, mais sauf que eux, ils sont au pouvoir là-bas en Turquie, un pays très important quand même dans le monde musulman. Et son programme de réislamisation passait par le passage d'une république en fait parlementaire, où le Parlement a la main haute sur les affaires du pays, à un régime présidentiel où le pouvoir est concentré au niveau donc de la présidence. Obama, encore, on pourrait le mettre dans le jeu aussi celui-là, mais Erdogan est le président de la Turquie actuellement, et donc il veut maintenant concentrer tous les pouvoirs au niveau de la présidence. Donc plus ou moins recréer une espèce d'empire ottoman en modèle réduit, sous une forme moderne, donc il ne s'agit pas de recréer vraiment l'Empire, mais de recréer en tout cas, dans les faits, quelque chose qui se rapproche de ça. Et il y a des gens qui se sont opposés, et notamment l'armée, qui traditionnellement était laïque, c'est-à-dire qui était plutôt fidèle à l'héritage de Mustafa Kemal, hein, alors qu'on chasse en fait l'influence religieuse du domaine politique, on modernise, on occidentalise aussi d'une certaine façon la Turquie, et on essaye donc de la lancer dans la modernité. Et c'était donc une façon pour cette armée qui était très affaiblie déjà d'empêcher Erdogan de parachever son travail et donc d'imposer une constitution présidentialiste et islamiste, en sachant que son ancien premier ministre, qui s'appelle Davutoglu, je crois, qui est un islamiste aussi, était plus prudent et avait dit à Erdogan qu'il fallait peut-être se méfier, il fallait faire preuve fallait y aller modérément, et il avait été exclu pour Erdogan l'avait exclu pour se lancer de façon décisive dans son programme, et l'armée a tenté, j'allais dire, un baroud d'honneur, et ça a mal tourné. Donc ça, c'est un peu le contexte. C'est-à-dire qu'en fait l'armée turque a voulu faire ce qu'a fait l'armée égyptienne avec succès et détruire les frères musulmans, ça n'a pas marché. Alors, quand on a dit ça, ça remue beaucoup, et ça a une implication en France, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des Turcs en France qui sont descendus dans la rue au cri de Allah Akbar pour se solidariser du pouvoir islamiste. Et là, ça nous dit quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoute, c'est déjà ce qui s'est passé en Turquie, puisque Erdogan est apparu sur la chaîne CNN turque, sur FaceTime, hein, donc sur son téléphone, et a appelé aux Turcs, hein, c'est-à-dire aux musulmans pro-AKP, c'est-à-dire islamistes, hein, pro-Erdogan, à descendre dans la rue pour virer les putschistes qui ont l'air quand même d'être une belle bande de bras cassés. Il a envoyé des SMS via un réseau d'imams et le réseau d'expatriés turcs, effectivement, dans pas mal de villes de France. Un jour après les attentats islamistes, tu as des milliers de Turcs, hein, des dizaines de milliers de Turcs, qui sont descendus au cri de Allahu Akbar. Et malheureusement, personne ne les a descendus, ce qui m'attriste un peu. Ce qui m'attriste également un petit peu, c'est que les militaires turcs, hein, qui en fait sont sur la défensive, parce que dans la réforme constitutionnelle turque que Erdogan essaie d'imposer, l'armée aurait quand même beaucoup moins de pouvoir. Donc ils sont vraiment dos à la mer, comme on pourrait dire. Et il y a eu pas mal de purges. Hein. Il y a eu des purges, évidemment, avant le Pupuch. Et là, je vois qu'il y a quand même 5 généraux, il y a une trentaine d'officiers, et il y a 5000 personnes impliquées. Je pense que ça va très mal se passer pour eux. Ce qui est également intéressant, alors je parle au niveau turc, c'est de voir que tous les partis, donc le parti, le HDP, hein, c'est le Parti démocratique des peuples, c'est le parti, on va dire, socialiste pro-kurde, qui est le principal opposant de l'AKP, le parti d'Erdogan, soutient la constitution actuelle. Donc Erdogan va se retrouver renforcé, il y a de fortes chances. Il va tirer les lauriers du contre-putsch, hein, qui va présenter ça de telle manière qu'on va penser que la démocratie est en route, et tralala, tralala. Et je la sens malheureusement très mal. Moi, j'aurais bien aimé voir les kebabs dégagés. J'aurais bien aimé voir un petit coup de remouf kebab, mais écoute, malheureusement, ouais, c'est la démocratie islamique est en marche. Et dans la sphère conspirationniste, évidemment. Bon, après, hein, y prêter attention ou pas, c'est à vous de voir. Mais j'ai l'impression qu'on se pose déjà la question de savoir si ce putsch était vraiment quelque chose de sérieux, ou si c'est tout simplement quelque chose qui n'a servi, en fait, et qui ne va servir qu'à renforcer la mainmise d'Erdogan sur la Turquie et à vraiment passer à la vitesse supérieure en termes de soutien plus ou moins ouvert à l'islamisme, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, quand des généraux, alors apparemment il y aurait 5 généraux, etc., qui se lancent dans une aventure putschiste, ils doivent quand même se dire, c'est quand même le genre d'aventure quand tu te lances dedans, où tu te dis, bon, soit je gagne, soit je finis pendu ou je ne sais quoi. Hein, ou pire, dans un pays comme la Turquie, je ne connais pas exactement les pénalités, mais et on a l'impression quand même, en regardant ce qui s'est passé, que ces gens se sont lancés dans ce putsch, effectivement avec Erdogan en vacances, donc incapable de capturer le leader adverse, qu'ils se sont lancés là-dedans un petit peu, la fleur au fusil, on va voir si ça marche, on sait pas, etc., etc. Et ils se sont fait écraser au final. Alors après, avec les soutiens dont bénéficie Erdogan au niveau européen, comme je pense dans certains réseaux américains, c'est très possible qu'en fait, ces généraux aient plutôt préparé leur coup et qu'ils aient été surpris par tout un tas de forces étrangères venues prêter appui au soutien d'Erdogan. Mais c'est vrai qu'on se demande un petit peu si ce putsch est une histoire légitime ou si c'est simplement une sorte de manœuvre pour relancer Erdogan et le renforcer, quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est un peu le côté pied nickelé qui surprend, le fait que Erdogan n'ait jamais été inquiété à titre personnel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas du tout été encadré dans sa résidence, alors que c'est une évidence que que tout coup d'État passe par l'arrestation immédiate du chef qu'on veut abattre. C'est-à-dire que un putsch qui ne vise pas le chef n'est pas un putsch. Donc c'est quelque chose de très curieux. En fait, je pense qu'ils se sont sentis pas suffisamment forts pour l'attraper. Et ils se sont dit qu'en s'emparant du pouvoir central à Ankara, ils parviendraient à le marginaliser et à le contraindre à la fuite. Ce qui a été probablement un très mauvais calcul. Mais ça s'explique sûrement parce que le fait qu'ils n'avaient pas de gens pour le détruire. Et moi, mon avis, c'est aussi vu ce qui s'est vu que ça a foiré, ça a lamentablement foiré, même s'ils avaient quand même des moyens considérables. Hein, c'était pas juste un putsch à l'africaine avec 30 types avec des kalachnikovs. Ils ont quand même eu un soutien aérien pour tirer sur le parlement, pour tirer sur divers bâtiments occupés par des services de sécurité fidèles à Erdogan. Donc il y avait quand même quelque chose. À mon avis, il y a peut-être aussi le fait que Erdogan se préparait à faire une grande épuration. Ils ont peut-être dû, faut faire le putsch, envoyer le putsch à un moment où ils n'étaient pas forcément prêts. Parce qu'un putsch, forcément, tu as besoin d'une complicité de centaines, voire de milliers de personnes que tu dois mettre plus ou moins au courant pour les attirer dans l'aventure. Donc il est possible aussi qu'ils aient précipité la tentative. Parce que justement, il manquait de temps, quoi, pour l'organiser. Et à mon avis, ça peut pas se faire d'un coup comme ça en mobilisant des milliers de soldats. Et puis, j'ai imaginé à l'instant aussi une famille de touristes turcs qui étaient à Nice le 14, qui en réchappe et qui arrive à l'aéroport le lendemain, qui arrive à l'aéroport d'Ankara et qui voit des chars et que ça défouraille partout. Je ne sais pas s'il y a eu ce combo ultime de touristes turcs à Nice qui écourtent ses vacances et qui arrivent à Ankara, mais je pense que ça aurait pu être drôle. Ouais, non, mais c'est très... Mais il faut quand même dire que Erdogan s'est lancé dans un truc complètement délirant, qui est quand même le remodelage de la partie, on va dire, orientale de la Méditerranée. Et ça inclut le Levant, une partie du Proche-Orient, avec un soutien très clair à toutes les forces islamistes, et ça passe par l'Égypte, ça passe par la Libye, ça passe par la Syrie, etc. Et quand même, ça a largement échoué, et il s'est retrouvé avec une insurrection kurde sur son territoire, qui est très très vivace actuellement. Il a défié la Russie, et c'est un échec, et très récemment, il venait de se rapprocher à nouveau de la Russie, d'Israël, pour, j'ai l'impression, essayer de trouver une porte de sortie acceptable, mais probablement, parce que vu la proximité de tous ces événements, c'est-à-dire le fait qu'ils se rapprochent d'Israël et de la Russie il y a, je crois, 2 semaines, n'est pas anodin. C'est-à-dire que je pense qu'il devait avoir un certain nombre d'informations laissant à penser, en fait, que la Turquie évoluait de plus en plus vers une situation critique, tant vis-à-vis des Kurdes que vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie, avec l'État islamique aussi, qui devient de plus en plus agressif vis-à-vis de la Turquie, probablement parce que la Turquie, sous pression des Occidentaux, après avoir financé l'État islamique, essaye de s'en démarquer, en tout cas, peut-être pas totalement, mais un petit peu, ce qui peut lui attirer l'hostilité de nos chers amis. Bref, ça joue contre Erdogan, et ce qui a pu expliquer que certaines personnes veuillent régler un compte avec Erdogan en se disant bon, il est en train d'essayer de s'échapper, il va peut-être s'en sortir avec l'aide des Russes, des Israéliens, etc. Il faut qu'on lui fasse la peau parce que après c'est peut-être nous, quoi. Et donc ça rejoint un peu ce que tu dis, effectivement, quoi. Oui, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ouais, non, moi je pensais juste qu'effectivement l'hypothèse de Hargeil là, et qu'ils aient été pris de court, qu'ils aient été mis dos au mur, et que donc ils étaient obligés de précipiter le coup d'État, effectivement, sans forcément être prêts, ça me paraît assez probable aussi, oui. Juste un petit truc à rajouter par rapport à ça. Bien sûr, les gens qui nous écouteront sont de notre bord, donc ils sont un peu au courant, mais le fait que des troupes turques, qui certes ont tenté un coup d'État et ont été stoppés par les loyalistes, Ces gars-là ont quand même été égorgés et décapités par les islamistes de leur propre pays. Donc c'est quand même intéressant à voir qu'aux portes de l'Europe, il y a des gens qui partagent la même nationalité, certainement la même religion, d'autres affinités, hein, qui ont juste une divergence d'un point de vue de qui doit gérer le pays, finissent par être décapités, égorgés. Et ça serait pas mal qu'on puisse utiliser ça, en fait, afin de faire un électrochoc à tous les bobos, les bisounours et compagnie qui sont encore pas réveillés, quoi, tu vois. Ouais, ça, c'est l'islam des Lumières. Oui, là, tu as la Turquie, il faut savoir que pour les gens qui ne, voilà, hein, qui ne s'inquiètent pas trop, la Turquie, ça représente quand même l'islam élevé, quelque part. Hein, donc, quand tu parles d'égorgement, tout ça, voilà, tu fais peut-être un petit peu des amalgames, attention. Hein. Ah oui, des lames bien affûtées, quoi. C'est, vous parlez donc des décapitations des mecs là, les putschistes qui ont leur ça montre en fait. Enfin, il y a eu des images fabuleuses quand même. Enfin, moi, je me suis fait bien plaisir. Je sais pas vous, mais à un moment donné, il y a tous ces espèces de crasseux de kebab qui sont rassemblés sur le pont. Là, je crois que c'est sur un pont. Ils ont leur putain de drapeau avec des croissants et des étoiles. Il y a des moukers en train d'hurler, etc. Et tout d'un coup, il y a un hélicoptère Apache qui passe, qui leur balance du plomb en pleine tête. Ça fait un carton. Moi, j'étais... franchement, j'ai eu de la mousse de ma bière, mais sortie par le nez, quoi. C'était excellent. T'es transposé en France d'un seul coup, c'est ça? Mais c'est exactement ça. J'en parlais d'ailleurs avec Laurent Grozon. Qu'est-ce que ça serait bien si on balançait des hélicoptères tigres dans les rues de France pour balancer du plomb sur ces gueules de, voilà, hein, on s'entend, on sait très bien de qui on parle. Et moi, je pense que, voilà, il y a un bout d'un moment, voilà. Ah bah, enfin, avec François Hollande, je pense que c'est pas gagné quand même, hein, attention. Ah, je sais pas, sur notre gueule, il serait assez capable de le faire. J'ai l'impression que. Bon, bah voilà pour ce putsch qui a foiré quand même, hein, enfin, lamentablement quand même, enfin, c'est quand même un échec, et malheureusement, je crois qu'on va se taper du Erdogan pendant encore un moment. C'est ce qui semble. Il va se renforcer au final. Bah oui, et puis je crois que là, ça va, il y a des têtes qui vont tomber, ça va être moche. Hein. Et puis surtout, on a vu avec les Turcs là en France et probablement ailleurs dans les autres pays, comment ils les mobilisent en quelques heures, quoi. Et je crois qu'en France, à Strasbourg, qu'il y avait eu un zénith rempli il y a quelques mois avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui venait acclamer un président étranger, enfin étranger, pour nous, c'était leur président à eux, puisque franco-turc ou même turc résident en France. Ouais, absolument, et surexcité avec des discours très très très durs, hein. C'est pas des discours pour la tolérance, hein. C'est des discours, l'islam triomphant, la Turquie qui va dominer le monde. Un discours de réconciliation, quelque part. Ah, tu penses à qui? Ah oui, non, je ne citerai pas de nom. Ça, pas de nom, d'accord. Enfin, de voir à quel point ils peuvent mobiliser très rapidement des milliers de supporters dans les rues de France pour crier à la Akbar, parce que c'est ça. Et avec les imams en tête, ça montre que le concept de frontière, il est vraiment bidon au sens où il est plus opérationnel, parce que ça marche pour les migrants, mais ça marche aussi pour des puissances qui ont un agenda, et en l'occurrence pour la Turquie, et on l'a vu là. Enfin, moi j'étais quand même assez sidéré de voir ça. Pas surpris, mais la rapidité de la réaction était impressionnante. Puis les types sont des teigneux, hein, parce que le Turc est mauvais. Hein. Le Turc, il est vraiment mauvais, le Turc. Hein. De là à comparer ça à des cafards. C'est-à-dire, faut quand même signaler une chose, parce que pour ceux qui ne sont pas spécialistes en boucacologie, moi, je suis quand même un boucacologue. On est tous un peu boucacologues, je pense. On a plus ou moins nos diplômes. Bon, certaine expérience aussi. Voilà, c'est ça. Bon, il y a le maghrébin. Bon, ça, c'est de la merde, ça vaut rien. Il y a l'arabe. Voilà. Et puis, il y a le turc. Hein. Et clairement, le turc, il est beaucoup plus méchant, beaucoup plus dur. C'est un peu le moustique tigre. Et puis, il est plus costaud aussi. Hein. C'est le moustique tigre, quoi. Le turc est quand même plus costaud qu'un Algérien. Souvent, le turc est assez bien baraqué, mais il a aussi un certain raffinement dans la cruauté et la violence que les autres n'ont pas forcément. Ils ont du sang mongol, il ne faut pas l'oublier. Ils ont du sang d'Asiate, ils ont du sang de blanc. Il ne faut pas l'oublier aussi. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, ils prenaient les meilleurs blancs des Balkans pour les envoyer s'occuper de l'administration de l'impériale ottomane, ce qu'on appelait les fameux janissaires. Et c'était une politique raciale qui partait d'un constat clair, c'est-à-dire qu'en fait, les Basanés sont incapables de foutre quoi que ce soit, avec les Blancs on peut faire des trucs, et ils prenaient les gamins très jeunes dans les Balkans, ils les formaient ensuite à la dure au cœur de l'Empire ottoman, en Anatolie, enfin en Anatolie et puis dans les provinces au cœur de l'Empire turc, et ensuite ils les envoyaient dans les différentes provinces de l'Empire, et ce qui a fait que l'Empire ottoman a pu tenir assez longtemps, somme toute. Et il y a eu des métissages, et c'est pour ça qu'on voit des Turcs, moi j'en ai vu, j'en croise de temps en temps, on voit des Turcs parfois même blonds. Ah bah, j'ai croisé à Paris pendant l'Euro une poignée de supporters turcs, il y avait trois mecs, deux nanas, s'ils n'avaient pas eu le drapeau turc autour d'eux, enfin le maillot, tout ça, c'était des blancs, les nanas faisaient européennes, enfin... J'avais été surpris, je me dis, s'ils étaient tous comme ça, peut-être qu'il y aurait une possibilité qu'ils ne soient pas aussi sauvages. Enfin, j'en sais rien, hein. En général, ils le sont tous plus ou moins. Mais j'avais été impressionné de rencontrer ces cinq-là, ils ressemblaient véritablement à des Européens. Bien plus que des Portugais, par exemple. Il ne faut pas oublier, par exemple, que la Turquie, avant d'être ottomane et d'être envahie par les Ottomans, c'était l'Empire byzantin. Oui, c'est ça. Et si tu vas sur la Thrace, ou même à Istanbul, tu as des profils... ratio très intéressant qui s'explique d'abord la présence grecque à l'Antiquité, qui est une présence européenne depuis très longtemps. Évidemment, bon, les métissages qui procèdent de ce que j'ai dit, du phénomène que j'ai dit. Et c'est vrai que ça laisse des profils qui sont intéressants avec parfois des assez belles personnes, quoi. On a des belles femmes ou des. C'est pas courant, mais en fait, c'est dès que tu sors dès que tu t'écartes des côtes de la mer Égée, ou dès que tu sors de la Thrace et que tu rentres à proprement parler dans l'Asie mineure, là t'arrives dans des endroits, t'as des Asiates ou des Basanés, mais d'une laideur impressionnante, ils sont hirsutes. Je parle même pas des Kurdes qui sont franchement des porcs. Hein, parce que, bon, la logorée sur les Kurdes, etc., bon, faut les voir en face, hein, les mecs. Hein. Et c'est un truc vachement bizarre parce que, en fait, ils ont créé une identité nationale qui est faite de briques et de broc. Ils ont mis là-dessus un croissant, la religion islamique, etc. Alors que, si vous discutez avec moi, j'avais des collègues qui ont été en Turquie, ils m'ont dit, mais les Turcs en Istanbul, les mecs, ils picolent comme toi et moi, hein. Ils écoutent du rock et ils picolent, quoi. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, que Mustafa Kemal, il a pu faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même, racialement, des apports européens dans toute cette région. C'est aussi une zone frontalière qui touche le monde européen. Donc, c'est poreux. Et c'est pour ça qu'on peut voir certains Turcs, même de gauche ou progressistes, etc., alors que finalement, on pourrait se dire un peu à la va-vite, bon, ils sont tous musulmans radicaux, etc. Enfin, musulmans ou bien du Proche-Orient, etc. Et je crois que cette histoire de résurgence de l'islamisme avec Erdogan, c'est une vieille lutte à l'intérieur de l'Asie mineure, entre finalement des côtes qui sont ouvertes à l'influence occidentale. Et Istanbul a un grand port, évidemment. Enfin, Istanbul, la Byzance, un ancien port occidental. Et puis, de l'autre côté, en fait, l'immense masse de terre peuplée de musulmans archaïques qui touchent l'Irak, qui touchent l'Iran, qui touchent la Syrie, et qui sont travaillés par des forces propres au Moyen-Orient et qui n'ont rien à voir. Et je crois que cette bagarre entre les modernistes qu'on a pu voir justement ces derniers jours, ou bien d'un côté et de l'autre les tenants d'un retour à l'islam politique, c'est peut-être quelque part finalement une confrontation entre la meilleure part raciale de l'Asie mineure, donc qui est à l'ouest, et la poubelle bougnoulique, quoi. Ouais, c'est la masse orientalo-asiate qui effectivement est la synthèse en fait entre ce qui existait déjà avant l'arrivée des Mongols et puis après l'Empire ottoman, quoi. Enfin, c'est une supposition, mais il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là, parce que j'ai du mal à croire que que dans les fins fonds de l'Anatolie, on se soucie beaucoup de la modernité. Hein. Je ne suis pas convaincu. Alors, je vais apporter quelques nuances à ce que tu viens de dire, parce que lorsque j'étais à la fac, j'ai côtoyé beaucoup d'étudiants étrangers. et notamment des Turcs. Et tous les Turcs dont j'avais la responsabilité quelque part venaient de l'université du Galatasaray, qui est donc francophone. Et ce sont des gens qui ont des profils ethniques qui sont assez variés. Je me rappelle des gens qui avaient l'européen, d'autres pas du tout, mais qui avaient tous quand même cette sympathie, cette bonhomie, je vais pas dire cette adoration, mais quelque part aussi cet amour de l'esprit occidental, cet amour de l'Europe, et quelque part qui n'était vraiment pas ce que tu viens de décrire, alors qu'en fait c'était des gens qui étaient assez divers. Et à contrario, j'ai été confronté à des Turcs entre guillemets, parce qu'ethniquement c'était des Grecs pontiques, des gens qui étaient issus des très très vieilles des Turcs de souche, donc des Grecs en fait, qui eux étaient de façon viscérale très très rattachés à tout ce qui était musulman, à la civilisation musulmane si on peut dire, et qui étaient pourtant très blancs. Très blanc, je me rappelle une magnifique brune aux yeux bleus, à la peau très blanche, qui soutenait Mordicus, tout ce qui avait trait à l'islam, et qui quelque part, malgré son génotype européen, avait bien moins en commun avec moi que certaines filles et garçons que j'ai pu avoir à la fac, qui pourtant plus typés auraient été moins nuisibles sur le long terme. Oui, mais ça peut s'expliquer. Enfin, c'est une piste de réflexion. On a un phénomène qui est le complexe du colonisé, qui aussi est défini autrement par certains psychiatres, qui s'appelle l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire qu'en fait, ces populations-là dont tu parles ont été soumises, et en fait, ne se sentant plus la force de résister, trouvent comme moyen de défense, en fait, pour retrouver une position valorisante, de s'identifier à leur ennemi premier, en fait. Et tu retrouves des comportements comme ça, de mimétisme vis-à-vis du conquérant. Et c'est okay. Pas tel. Oui, il y a ça, oui. On a des. Bah oui, la libération de l'Algérie, entre guillemets, libération, la guerre d'Algérie, quoi. Les Kabyles étaient très, très déterminés. Enfin, certains Kabyles étaient très déterminés. Ce qui peut paraître étonnant, parce qu'on se dit, mais attends, c'est des populations pourtant qui sont très particulières, qui ont été arabisées de force, islamisées de force. Ça passe aussi par ça. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de pays qui ont été dominés, enfin qui ont été envahis, dominés par des populations étrangères. Donc, ce que tu dis n'est pas tellement étonnant. C'est pas tellement étonnant qu'on ait un phénomène en fait de compensation, quoi. Après, il faudrait fouiller. Moi, je suis pas du tout familier du sujet, donc je ne sais pas. Je sais qu'en Thrace, donc effectivement, qui est un ancien territoire de la Grèce originelle, on a un activisme pro-turc très très prononcé, et effectivement on a un petit peu un irrédentisme pro-turc c'est assez particulier. Bon, après il faudrait creuser, bon voilà, mais c'est quand même intéressant, parce que comme c'est une zone frontalière et que c'était quand même Constantinople, c'est quand même quelque chose de très important dans le monde occidental jadis, hein. Et c'est très intéressant de voir ces conflictualités-là, et je pense que ça continue de couver. Hein. Et d'ailleurs, la Turquie, même si Erdogan a gagné, entre les Kurdes, la Syrie, etc., probablement des gens qui sont pas du tout d'accord avec cet agenda islamiste, probablement l'histoire n'est pas terminée. Enfin bon, on verra ce qui se passera. Bon, on va passer au sujet suivant, par rapport à la DGSI. Hein, audition suite aux attentats de novembre, où on a eu le directeur du renseignement intérieur français, Patrick Calvar, qui s'est exprimé sur donc ces événements, qui a fait part de ses impressions, qui aussi a laissé deviner un certain nombre d'évolutions possibles. Et je pense que vous l'avez vu comme moi, il a dit que une des probabilités, selon lui, était qu'il y aurait une guerre civile qui éclaterait en France et qu'elle impliquerait surtout l'ultra-droite. Alors, la presse de gauche a beaucoup mis la focale sur cette question d'ultra-droite. On ne sait pas exactement d'ailleurs ce que ça recoupe, cette histoire d'ultra-droite, contre le monde musulman. Et il a souligné, pas contre les islamistes, il a bien dit ça, il a dit pas contre les islamistes, contre le monde musulman et les musulmans. Est-ce que vous avez vu ça? Et si oui, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous a frappé? Oui, effectivement, on a vu ça. Bon, il y avait déjà eu un premier jet au mois de mai, il me semble, et là, suite à une audition, donc il a répété en gros la même chose. Bon, quand on connaît d'assez près les milieux dits d'ultra-droite, le danger est quand même relativement réduit. En revanche, qu'il y ait des personnes qui réagissent un jour prochain, peut-être bientôt, de manière peut-être isolée, maladroite, mais ultra-violente, est toujours possible. C'est sûr que la multiplication des attentats, des carnages islamistes, peut faire aussi que certaines personnes décident d'entrer en guerre, vu que le gouvernement ne souhaite pas entrer en guerre. En revanche, quelque chose d'organisé, de coalisé, de paramilitaire, voilà, bon, il n'y a pas trop de risques actuellement, d'après voilà, les renseignements que peuvent avoir des gens qui sont dans l'ultra-droite ou catégorisés à l'ultra-droite, a priori, le danger. Mais bon, pour l'État, ce serait tout à fait une bonne solution pour faire croire au bon peuple qu'il y a un danger tout aussi important de la part de l'ultra-droite qu'un danger islamique. Donc c'est sûr que ça ferait leurs affaires qu'il y ait, disons, un deuxième front, même artificiel ou complètement virtuel, qui puisse ouvrir de telle façon à faire voir voilà, que tous les extrémismes se valent et qu'il faut s'en prendre à tous les discours de haine qui pourraient être faits contre le vivre ensemble. Ils sont un peu au pied du mur. Par ailleurs, on peut se demander si le terme d'ultra-droite n'a pas été employé pour épargner la susceptibilité des électeurs du Front National, qui sont généralement classés à l'extrême droite. Alors ce serait une précaution sémantique de la part du pouvoir pour ne pas que la moitié du pays lui tombe sur le dos. Oui. Oui, c'est bien observé. Oui, et puis au final, l'ultra-droite, c'est un terme assez général. Voire vague, hein, très clairement, parce que c'est quoi l'ultra-droite, qui est précisément, quelles organisations, bah, ça c'est pas précisé. Oui, alors c'est exactement ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est un terme, on ne définit rien, c'est-à-dire on dit ouais, l'ultra-droite, et bon, d'abord, il nous dit, le sieur Calvar, voilà, on va vers un conflit, parce que lui, il dit bien, il dit c'est inévitable. On parle pas d'un pingouin qui tient le coude, enfin qui est un pilier de comptoir au café du commerce. C'est quelqu'un qui a des informations intérieures et extérieures, qui discute avec ses nombreux collègues européens, et d'ailleurs il en parle, et il dit c'est inévitable. On va vers une guerre civile, une confrontation, et l'ultra-droite va jouer un rôle décisif dans cette confrontation. Et effectivement, il ne prend pas le temps de définir ce qu'est cette ultra-droite, ce qu'il entend par droite et par ultra, parce que ultra veut dire au-delà de, donc au-delà de la droite, et il met ça face au monde musulman, et il prend bien soin de souligner, pas les islamistes uniquement, mais le monde musulman. Alors, moi je suis désolé, mais j'ai le sentiment que ce qu'il veut dire, c'est que toute personne qui ne goûte pas les charmes de l'Orient et de l'islam serait plus ou moins par défaut membre de l'ultra-droite. Alors moi je veux bien, mais quand on est un laïcard militant, je ne sais pas, je vais citer des noms comme Fourest ou Michel Onfray, enfin quelqu'un qui est quand même assez mainstream, voilà, on ne peut pas dire que c'est un excité, il critique l'islam, donc est-ce qu'il tombe dans la case ultra-droite ? Ah bah oui, Onfray c'est très clair, il a même dit qu'il aimait bien lire Alain de Benoît, alors on peut dire... Ouais, non, mais des affinités intellectuelles, c'est une chose, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui se situe dans la gauche laïque ou laïque. Mais, ouais, mais est-ce qu'il est pour le choc des civilisations, quelque part ? Non, mais je veux dire, sérieusement, je veux dire, j'ai l'impression que c'est un terme qu'on colle sur, en fait, tous ceux qui disent « on a un problème ». Voilà, on a un problème, et c'est dans la population, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, qui suivent plus, qui disent on n'en veut pas, on veut pas de mosquée, on veut pas de halal, on veut pas de moukir voilé, voilà. C'est pas que les mecs sont des idéologues, parce que là on parle vraiment du peuple, hein, des catégories populaires. Les gens n'en veulent pas. Enfin, je veux dire, les populations autochtones n'en veulent pas. Il y a une incompatibilité culturelle. Et face à un problème qui est Parce que si on l'admet, si Calvar l'admettait en disant, voilà, on a un problème, la population française ne veut pas de l'islam, comment on fait? Parce que là, tu dis juste qu'en fait, on est au bord d'une crise insoluble autrement que par la force, en gros. Et c'est ce qu'il dit, mais il dit, oui, effectivement, on aura une crise qui va être violente, mais il délégitime, a priori, ceux qui ont quelque chose à dire contre. Et il dit, voilà, c'est l'ultra-droite. Et comme on est quand même, globalement, dans un imaginaire collectif au sein de l'élite progressiste, de gauche, voire marxiste, quand on n'est pas d'accord, on est de droite ou d'ultra-droite. Vous avez qu'à remarquer, ils n'ont pas dit ils sont d'extrême-gauche ou ce sont des extrémistes, ils disent c'est l'ultra-droite. Donc en fait, quand on est un opposant en France, on est de droite, vous voyez. Et ça, c'est très révélateur, d'une certaine façon. Mais moi, je me dis, où sont les militants laïcards? Où sont les anciens bouffeurs de curés qui peuvent pas saquer les barbus? Où sont les féministes? On les met où, dans quelle case? Donc ça, c'est une première interrogation que j'ai, quoi. Et deuxièmement, il met pas ça en vis-à-vis face aux islamistes, et il le souligne, il dit pas on va avoir l'ultra-droite contre les islamistes, il dit contre le monde musulman. Et là, tout d'un coup, en face, finalement, il efface les radicalités. Il dit non, c'est le monde musulman. Donc on a quelque chose de neutre, c'est présenté d'une façon très neutre, en fait. Il dit, d'un côté, on a une culture, une civilisation qui est ce qu'elle est, qui a ses caractéristiques, et de l'autre, on a des extrémistes qui refuse d'accepter le pluralisme. Et là, je me dis, c'est tellement biaisé comme rhétorique que, bon, déjà, à mon avis, on nous prépare quelque chose, parce qu'il a quand même dit, on va mettre des moyens pour surveiller l'ultra-droite. En fait, ils s'attendent à quelque chose, ils ont un a priori extrêmement positif sur les musulmans, de leur point de vue, la place de l'islam en Europe n'est pas discutable, n'a pas à être discutée, l'immigration encore moins, et les empêcheurs de tourner en rond, qui peuvent d'ailleurs être présents dans toute la population, ne sont que des excités qu'il va falloir surveiller et neutraliser. Et là, je me dis, il y a un agenda politique, et quelque part, quand il parle du populisme, quand il parle de l'extrême droite, et là, quand il parle de l'ultra-droite, j'ai l'impression qu'il parle du peuple, en fait. J'ai l'impression que pour eux, c'est le peuple qui pose problème. Hein. Tout à fait, c'est ça. Hein. C'est des mots, c'est du vocabulaire, pour ne pas dire qu'on pointe du doigt le peuple. Mais depuis l'instauration de l'état d'urgence, on a pu voir aussi qu'ils ont pu désarmer un certain nombre de personnes, ils ont pu multiplier les perquisitions et essayer de faire passer des collectionneurs d'armes pour des dangereux types d'extrême droite, alors que les types c'était juste des fans d'armes de guerre ou anciennes ou de fans de bourse aux armes, ce genre de choses. Donc au sens large, ils ont pu ratisser et anticiper toute réaction légitime et violente qu'auraient pu avoir certains Français qui, justement, jusqu'alors, ne sont pas forcément rattachés à l'ultra-droite ou ne serait-ce que politisés. Donc il y a un objectif également, peut-être, de craindre une réaction violente qui obtienne un soutien populaire, quel que soit le traitement médiatique qu'il puisse y avoir. Je ne suis pas certain y avait eu dans les jours suivants Nice, soit le lendemain, donc qu'il y ait eu une mosquée qui est brûlée, il y a eu une grande condamnation populaire à part une condamnation médiatique. Donc je pense qu'ils essaient d'anticiper une réaction violente qui pourrait en entraîner d'autres, faire effet boule de neige. Donc on sent vraiment un pouvoir aux abois, mais effectivement le fait de l'annoncer annonce qu'il va y avoir, à mon avis, quelques coups de filet, à mon avis 9 fois sur 10 pour rien, et que les pauvres types vont se faire perquisitionner, embarquer, c'est bien possible. À mon avis, il y a une certaine fébrilité de la part du gouvernement, et ou aussi peut-être de prévenir, c'est-à-dire attention, tenez-vous à carreau, sinon vous allez en prendre plein la gueule et vous retrouver dans un Guantanamo français. C'est aussi une possibilité d'essayer de faire peur à toute organisation, structure ou même Français isolé qui déciderait d'aller au-delà du cadre de la protestation légale. Donc, à mon avis, si ça a filtré dans la presse, c'est pas pour rien. Oui, et puis j'ai l'impression que c'est aussi pour, c'est aussi en termes de dans une année préélectorale, comme par exemple les présidentielles. Je pense qu'il va falloir, pour le gouvernement, envoyer des messages en direction des musulmans en disant « on ne vous persécute pas personnellement, Et il va falloir un petit peu charger le bateau à droite, quoi. Il va falloir trouver des victimes. Et quelque part, est-ce que c'est pas ce qu'ils avaient un peu fait avec Varg Vikernes, vous savez, ce Norvégien, ce musicien norvégien qui vit en France, qu'ils avaient essayé de charger une espèce de conspiration visant à tuer des gens. Il y avait eu une descente de police chez lui. En fait, on avait trouvé des armes. En fait, c'était de la calibre 22 déclarée, aucun souci. Et c'était de la com pure. Et Val, c'était derrière ce coup de fumier. Et quelque part, est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'ils ont dans la tête, c'est-à-dire de dire bon, en fait, il y a que les musulmans qui posent problème, mais en termes de communication et en année préélectorale, c'est très mauvais. Est-ce qu'il faut pas foutre un petit coup de barre à droite, là, taper sur quelques pelés de tondu, pour histoire de dire voilà, on est impartial. Ça, c'est la première. Il y a peut-être un appel du pied au vote communautaire, c'est-à-dire aux musulmans, en disant regardez, on vous protège, on assure votre protection face à un danger qui, en fait, est imaginaire. Oui, je pense que. Alors, c'est une supputation, mais je pense que c'est ça. Et on peut aussi le voir sous un certain angle, c'est-à-dire que si jamais ça commence à tourner au vinaigre, le fait de dire en utilisant le terme ultra-droite, tous ceux qui s'opposeraient plus ou moins à l'islamisation, etc., et de le criminaliser. Est-ce qu'on n'a pas finalement une élite qui est en train d'essayer de sauver sa peau et qui est dans la fuite en avant, quoi. On peut le lire de plusieurs façons, mais en tout cas, c'est pas anodin comme déclaration. Parce que, comme tu l'as dit, je veux dire, la menace de l'ultra-droite en France, excusez-moi, quoi. Je veux dire, ça fait 40 ans, 50 ans qu'il y a de l'immigration de masse africaine et musulmane en France. Combien de viols, de tournantes, de vols, d'émeutes, etc. Il n'y a jamais eu une équipe de 10, 15 mecs armés, des blancs, qui décide de régler des comptes. Ça s'est jamais produit. On voit pas pourquoi ça se produirait spécialement plus aujourd'hui. Je croyais que Serge Ayoub était prêt à marcher sur l'Elysée avec son armée de je sais pas quoi républicains là. Je suis pas au courant. Hein. Je sais pas si d'autres ont des informations là-dessus. Moi, je suis pas au jus en tout cas. Non, mais le push d'ultra-droite, ils l'attendent. Hein. Enfin, le push, on s'entend. Hein. Mais ils attendent le terrorisme. D'ultra-droite comme le Messie. D'ailleurs, il y a un type qui s'est fait choper là en Ukraine avec des pains d'explosifs. Hein. Je crois qu'il en avait une petite centaine. Il avait des Kalachnikov, il avait des RPG. On n'a plus aucune nouvelle d'ailleurs. Il rêve encore d'une sorte de 6 février 34 bis. Ils sont encore mentalement, ils sont encore à l'époque quoi. Non, mais c'est-à-dire que les types, regarde, il a raison, MacDav, de le souligner, cette histoire d'Ukrainien. Parce qu'en fait, c'est quoi? L'Ukrainien s'est fait enculer. L'Alsacien, c'est un Alsacien, il s'est fait enculer. Et les services de renseignement français, même le ministère, au bout d'un moment, a dit non, c'est pas clair, c'est une arnaque. Pourquoi? Les Ukrainiens voulaient justifier une coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine au niveau des frontières pour accélérer l'intégration de l'Ukraine dans la sphère d'influence américaine. C'était ça le fond de l'affaire, il fallait monter un char pour que ça prenne. Et évidemment, le gouvernement français, il n'a pas envie qu'on lui force la main parce qu'il a ses propres calculs. Et flairant l'arnaque, ils ont commencé à dire non, mais laissez tomber. Et n'empêche que la réaction de la presse rouge en France, c'est immédiatement de se précipiter dessus en disant ça y est, on tient le nazi, on va pouvoir faire. Des équivalences, on va pouvoir, à côté de Momo et sa barbe, on va pouvoir mettre un blanc rasé avec des tatouages, voilà, regardez, en fait, la démocratie est en danger, et ça n'a rien à voir, ça n'est surtout pas conditionné par l'appartenance ethnique ou raciale ou religieuse. Et en fait, la baudruche s'est dégonflée, mais on l'a vu à cette occasion, on l'a vu aussi à l'occasion de l'assassinat de Méric, on sent que que le système, que les médias subventionnés, qui sont peuplés de marxistes ou de socialistes, attendent désespérément la menace fasciste pour réalimenter leur rhétorique et que ça ne vient pas. Littéralement, ça n'existe absolument pas. Ah mais Valls se prend pour Clémenceau. Hein. Donc, il veut qu'une seule chose, tu vois, c'est dissoudre la méchante extrême droite nationaliste. C'est son rêve, tu vois. C'est son plan de carrière. Il a dissous l'œuvre française et c'est-à-dire il a dissous une association de 50 personnes, quoi. Parce que sur le terrain, au final, moi, j'ai rien contre les gars de l'œuvre française, quoi. Ils sont persécutés d'ailleurs. Un Gabriel qui a pris 2 mois de prison. Enfin, c'est hallucinant ça. veux dire, il y a les gauchistes, Nuit Debout, l'extrême gauche qui saccage tout à Nantes, Rennes, la ZAD, etc. Enfin, c'est le n'importe quoi généralisé. T'as un petit gars, en fait, de la voix française qui fait une manifestation juste parce que son pays est transformé en poubelle par tous les gouvernements successifs. Depuis des années, le type il a soi-disant l'a pas déclaré, le mec on lui met 2 ans de tôle, 2 mois de prison quoi. Ça devient juste indécent quoi. Enfin bon. Avant de passer au gros sujet, on va faire une petite pause culture avec notre ami Laurent Grozon. Ah oui, alors c'est vrai que moi je voulais amener 2 minutes. Notre ami, notre grand ami algérien Salim Laibi, alias libre penseur, libre bougnoule, comme vous voudrez, qui parlait, alors je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais c'est intéressant de le relever parce qu'il parlait d'un bouquin d'un certain Pierre Rossi qui s'appelle La Cité d'Isis. Donc, où en gros, enfin ça rejoint le sujet de l'africanocentrisme. Où on explique que, grosso modo, les penseurs occidentaux, et on remonte là à la Grèce, à Rome, etc., c'est-à-dire aux fondations de l'Occident, se sont inspirés, voire étaient directement eux-mêmes, des gens venus de l'Orient, qui n'étaient en fait pas des Blancs, qui doivent plus ou moins tout à l'Orient, aux Arabes, aux Nègres, etc. Mais je vais vous laisser apprécier un petit peu, hein, comme ça, pour écouter notre ami Salim. Je vais mettre un petit peu la présentation, vous pouvez voir de quoi il retourne. C'est de l'histoire, mais remise à l'endroit. Pierre Rossi, qui est un érudit, il faut le dire, il a écrit plusieurs livres dans l'Irak des révoltes que je suis en train de lire actuellement, une plume sublime à l'ancienne, hein, l'école normale supérieure, les grands lycées français de l'époque. Pierre d'Ortiguier l'a connu personnellement, il s'occupait des cercles d'amitié France-Irak, etc. Il connaissait très très bien le Maghreb, l'Irak, l'Algérie, etc. Et essayer via ce bouquin qui est très connu, d'ailleurs je signale aux arabisants qu'il est disponible, je l'ai trouvé en arabe en PDF sur internet, c'est une pure merveille. Alors il va déstabiliser beaucoup de gens, hein, je vous le dis tout de suite, puisqu'il remet absolument tout en cause, sauf que là il amène l'histoire, les documents, les faits, voilà. Et ça, ben, on ne peut rien faire contre, à moins d'être de mauvaise foi. Alors de quoi parle ce livre? Ce livre, il parle de l'importance de l'apport du Moyen-Orient à la civilisation gréco-romaine occidentale aujourd'hui. En fait, à la fin de la lecture de ce livre, vous comprendrez une chose, c'est que tout le clash des civilisations, tout le terme civilisation gréco-romaine, toute cette théorie qui veut faire que l'Orient, la religion, c'est une chose, l'Occident, c'est autre chose, tout ça, c'est faux, totalement faux. En fait, l'Occident, ou du moins les racines occidentales gréco-romaines, ont tout, absolument tout piqué de l'Orient. Ah la vache. Voilà, hein. Donc c'est le résumé, il continue plus loin, donc vous pourrez regarder la vidéo si ça vous amuse, ça s'appelle l'actu au scalpel. Mais en gros, les Occidentaux doivent à peu près tout. Alors il continue après sur Black Athena. Ah mais tout, c'est-à-dire, je sais pas, l'écriture, la poésie, tout, voilà. Hein. Chapelle Sixtine a été peinte par des maghrébins. Bah, c'est inspiré, quelque part, de voilà. Alors si aujourd'hui, les Africains sont encore à se manger les uns les autres dans la savane, et les Arabes à enculer des chèvres dans le sable, quelque part, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est eux qui devraient avoir tout inventé. Et alors, si vous écoutez la vidéo, que vous allez plus loin, n'est-ce pas? Donc, il va parler après de Black Athena, hein, qui est un autre livre, et qui parle là des apports de l'Égypte. Égypte, évidemment, hein, la grande Égypte construite par des nègres. Voilà. Hein, alors, si, voilà, il faut y croire. Hein, les preuves sont là, n'est-ce pas? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus... Alors, ouais, moi, ça m'intéresse bien ce sujet-là, parce que moi, de dire que la Méditerranée est un espace ouvert depuis l'Antiquité, il n'y a pas de problème. parce que c'est une mer, mais il faudrait encore parler de quelle population. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de scientifiques et d'historiens qui ont bien pointé du doigt le fait que l'Égypte a été fondée par des Berbères, déjà. Les Berbères qui ne sont pas des Sémites. Hein. Bon. Ensuite, il y a d'accord des échanges, etc. Babylone, pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais entre-temps, il s'est passé des choses quand même. Parce que en Irak, en Syrie, dans le cœur de la civilisation musulmane qu'est l'Arabie Saoudite au plan religieux et spirituel, c'est juste un désert. C'est juste un désert au sens propre comme au sens figuré. Donc, ce dont il nous parle, c'est du monde moyen-oriental et nord-africain pré-islamique. Pré-islamique. C'est important de le dire. Et l'Algérie dont il nous parle, parce qu'il dit ouais, le Maghreb, mais ça ne s'appelait pas le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord, qui était, notamment durant l'Antiquité, un territoire romain. Saint-Augustin était un nord-africain. C'est un docteur de l'Église catholique, très bien, mais il était complètement éloigné du schéma mental basique, de l'arabo-musulman. Ça n'a juste rien à voir. Comme les Coptes aujourd'hui subissent la pression des musulmans. Bon, donc il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Donc ça, c'est important de le dire quand même, parce que on a l'impression qu'il nous explique en fait que qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait sans l'Algérie. Mais l'Algérie n'existait pas, il n'y avait pas d'islam à cette époque-là, donc les choses sont quand même à nuancer. Deuxième point, ce sur quoi je veux rebondir, c'est que eux, ils font un concours de bits. C'est-à-dire, ah, mais regardez, on a possédé ça à un moment. Et nous, en fait, ce qui fait notre différence en tant qu'occidentaux, c'est que nous, on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème à dire, voilà, il y a une découverte, je parle de la poudre. La poudre, ça nous est venu de Chine, formidable. Mais nous, on n'est pas resté faire des romans en disant qui a créé la poudre en premier. Non. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette invention? Comment on peut l'améliorer? Voire, est-ce qu'on peut même faire des percées nouvelles avec ça? Et on l'a fait, puisqu'au final, on a conquis l'espace via ce moyen-là. Hein. Pour pas parler, évidemment, de l'art de la guerre qui a été complètement bouleversé, etc. Donc, les Occidentaux, les Européens, l'homme blanc peut éventuellement, et j'ai pas de souci, trouver des technologies extérieures et se les approprier, les perfectionner, ce qui va l'amener vers autre chose. Les nègres et les sémites, et je parle surtout des bougnoules, enfin des arabes, eux, c'est pas leur questionnement de savoir vers quoi je vais me projeter. La question, eux, c'est ils estiment qu'ils ont un titre de propriété, point la ligne. En fait, il n'y a pas de dynamique dans le temps et dans l'espace. C'est quelque chose de figé. Ils estiment avoir droit, en quelque sorte, déjà à des royalties, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut voilà, leur verser exactement. Quelque part. C'est toujours le concept de... C'est comme avec les juifs, quoi. C'est-à-dire c'est toujours le concept de la dette, c'est des putains de sémites. Bon, après, quand ils font intervenir les nègres là-dedans, c'est autre chose, mais... C'est-à-dire, il y a le concept de cette dette. Donc, on a une dette très ancienne, hein, et donc... Non seulement il y a ça, ce concept de dette éternelle, et quelque part, ça leur sert aussi, bien sûr, c'est pas juste du concours de bits, c'est-à-dire ça leur sert à légitimer l'invasion actuelle, oui. Migratoire, etc., la colonisation, de l'Occident, en disant, de toute façon, cette civilisation, tout ce que vous voyez, alors les ordinateurs, les machins, de toute façon, à la base, c'est les Arabes, voilà. Ah, oui, c'est ça. Il le dit, hein. Ils nous ont tout piqué. Il dit oui, c'est ça. Oui, oui, absolument. C'est du cultural appropriation, tu vois. Mais c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que c'est vraiment fabuleux. Les mecs ne connaissent... Ça nous amène sur un truc vraiment... un sujet très, très vaste. On va pas en rentrer dans trop de détails, mais il y a cette idée. Il y a une impossibilité à distinguer entre le présent, le futur, le passé... le groupe, le particulier, l'individu, les différentes cultures. Voilà, et eux, ils disent, non, mais ça, c'est à nous. Et quand tu leur dis, mais ok, d'accord, vous êtes des génies, vous avez inventé ça, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous êtes des branques, vous n'êtes même pas foutus de créer des États qui soient un minimum modernes, pourquoi vous êtes tous en train de vous égorger aux quatre coins de la planète, et le seul truc que vous défendez, c'est une soi-disant pseudo-religion, qui n'a jamais été une d'ailleurs, Et au lieu, je sais pas moi, de bâtir des écoles, de créer des économies dynamiques, de vous investir dans la technologie, etc. Et parce que c'est des branques qui sont incapables de le faire. Ce sont des demeurés, des attardés au niveau civilisationnel. Non, attends, là, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est le pouvoir magique démoniaque de l'homme blanc qui les empêche de... Hein, voilà. Mais ah bon, et comment ils font, et comment ils font les Asiatiques, alors? Ah ben non, mais je sais pas, moi je te dis juste que les nègres et les arabes... Non mais c'est intéressant, parce que les Algériens, ouais, on a été colonisés, bon, au lieu de chialer là, comme des victimes, qui regardent un peu les Indochinois, qui regardent les Chinois, qui regardent tous ces pays asiatiques, eux ils sont pas restés chialer, ils ont dit bon, maintenant on va au boulot, on a beaucoup de retard, on va y mettre le temps qu'il faut, mais on va rattraper notre retard et on va produire quelque chose de valable. Alors, oui, mais ça demanderait de l'introspection pour qu'ils fassent ça, or ils en ont pas. Effectivement. Ce qui est très saisissant, c'est en particulier chez les populations berbères d'Afrique du Nord, c'est leur arabocentrisme, c'est-à-dire leur propension à s'attribuer toutes les qualités qui ont pu être celles du monde arabe, alors même que ce ne sont que des berbères. Oui, oui, mais ça, c'est, on parlait de ça, l'identification à l'agresseur sur un des sujets précédents. C'est exactement ça. Moi, il y a des Kabyles qui me parlent, je discute avec eux, des berbères, ils sont très fiers d'être berbères, hein, et y a des gens quand même qui veulent se libérer du carcan, arabo-musulman. Mais on a des populations aliénées, ça c'est les populations dites algériennes, qui s'imaginent une identité arabe qu'ils n'ont pas, parce que, et là il faut le dire, les Algériens ne sont pas des Arabes, c'est d'ailleurs les Arabes du Golfe Persique, ou les véritables Arabes en général, les considèrent comme étant, en fait, j'allais dire, les Roms du monde musulman, comme étant la chiasse intégrale du monde musulman, et qui ne méritent certainement pas le titre d'arabe. Mais ils parlent un sabir arabe. Si vous écoutez vous savez, on entend souvent dire ça en France, des réclamations pour apprendre la langue arabe. Mais les Algériens ne parlent pas l'arabe. Ils parlent un mélange, un sabir, un patois infect, qui est fait de tout ce que vous pouvez imaginer, du français, de l'arabe, du dialecte local, ça c'est immonde, les types ne parlent pas l'arabe littéraire. Et les élites, entre guillemets, algériennes, au niveau du gouvernement et de l'administration, quand elles veulent parler une langue, pour le travail et une langue de culture, ils utilisent le français. Donc les types sont dans un complexe d'arabité fantasmée, et en fait, ils reconstruisent complètement leur identité là-dessus. Et il y a une résistance un peu kabyle. Bon, déjà, c'est des gens, je crois, plutôt dans les montagnes. Donc, il y a une résistance historique qui n'est pas partagée par tous les kabyles, parce qu'il y a des kabyles complexés. Mais bon, il y a des kabyles qui sont un peu plus coulants avec leurs femmes. Enfin, des restes de ce qu'étaient les sociétés avant la venue de cette immonde production qu'est la production arabo-islamique. Franchement, l'Algérie, c'est ce qui se fait de pire, parce que c'est le jacobinisme français calqué sur une zone colonisée par une poignée d'arabo-musulmans, et ils vous ont pondu une identité bidon qu'on appelle l'Algérie, et qui n'existe tout simplement pas. C'est ni arabe, ni musulman, c'est pas une nation, c'est même pas un état, c'est rien du tout. Et le peu qu'ils ont, les Algériens, ils le doivent aux Français. En termes étatiques, administratifs, etc. Ils le doivent. C'est un fait. C'était pas un territoire qui était partagé avant entre le Maroc et la Tunisie, en quelque sorte. Enfin, si. Il a toujours été un ventre mou, ce machin. Non mais. Il y a eu les Turcs. Ça, c'est les deux vrais pôles qui existent. C'est le Maroc, c'est un fait. C'est un très vieil État, etc. Et de l'autre côté, la Tunisie, c'est l'ancienne Carthage aussi. Donc ça, c'est deux vraies structures historiques qui existent à travers les. Je veux dire, c'est comme le port Salut, c'est marqué dessus. Ça s'appelle Algérie. Bon, la France, ça s'appelle pas Parisie. Le Japon, ça s'appelle pas la Tokyoïe. Bon, voilà. C'est Al-Jazaïr, machin. Enfin bon. Mais pour les Kabyles, vous voyez. Ville, quoi, voilà. Ils savaient pas comment nommer ça. Ils auraient pu appeler ça le Bounoulistan. Ils ont pris Algérie. Bon, voilà. C'est une construction française. C'est pas. Voilà. Bah, Bounoulistan, c'était mieux. Hein. Enfin, c'était plus précis, quoi. Bah, moi, j'étais pour, mais ils ont pas voulu. Bon, mais ouais, enfin, pour en revenir à cette histoire de Salim Lai, mais ça m'étonne pas ça, parce que ils sont tellement complexés face à leur échec massif qu'ils sont obligés d'aller creuser dans des trous au fin fond de l'Irak. Et le truc sur lequel je veux insister, et puis peut-être ça t'inspirera aussi, c'est que ça n'arrive pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment un phénomène de masse critique bougnoulique qui se passe en France, et on est en train vraiment d'être complètement recouvert d'arabes, de nègres, etc. Et donc, ça passe, parce que bon, le libre Boukak, là, hein, le libre Loukoum, il est quand même écouté par un certain CCA à l'intersection des sphères bougnoule mentale et conspirationniste. Donc, il y a quand même un certain public. Et avec cette masse critique bougnoulique, arrive un phénomène de, pour se légitimer, pour légitimer l'invasion, etc., de la poubellisation, un phénomène de réécriture de l'histoire. C'est-à-dire qu'on arrive dans la phase où on était déjà en train de nous faire, d'ailleurs, les autorités publiques françaises, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher chez le libre penseur, on peut aller chez le gouvernement socialiste, de nous expliquer que l'islam a sa place en France, fait partie de l'histoire, etc., etc. Mais là, on rentre vraiment dans la phase de réécriture, c'est-à-dire la civilisation occidentale, l'Europe de l'Ouest, en fait, doit plus ou moins son existence, hein, sous toutes les coutures, aux Arabes, aux Noirs, à l'Orient, etc., etc. C'est-à-dire, c'est tellement évident de ridicule et de désespoir, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas trop à quelle branche se raccrocher, donc, voilà, le cheikh Antadiop, enfin, c'est juste risible, quoi. Enfin, ça serait risible si les bougnoules n'étaient pas capables de prendre ça au sérieux, voire dans un futur plus ou moins proche, d'enseigner ça comme étant la vraie base de leur existence en Europe. Voilà, et c'est sur ça que je voulais rebondir, en fait, c'est que Internet est un formidable outil pour les gens de notre bord, mais ça l'est également pour tous les débiles de panafricanistes ou d'Africains qui pensent descendre de rois égyptiens qui avaient des vaisseaux spatiaux cachés dans les pyramides. Et moi, j'ai déjà été confronté, malheureusement, alors pas à ces individus-là, parce que ça, on pourrait en rigoler, mais à des Blancs qui vont te dire tout le plus sérieusement du monde, parce qu'ils ont vu des publications par des nègres dans ce genre-là ou par des boukaks dans ce genre-là. Moi, j'en ai un qui m'a dit « Mais attends, avant, l'Europe s'était peuplée par les Arabes. C'est nous, les Blancs, qui les avons foutus dehors. C'est normal s'ils reviennent. C'est chez eux. C'est nous, les envahisseurs. » Oui, oui. Ben, on avait un précédent avec ça. C'est le fameux « L'homme vient de l'Afrique ». Enfin, là je crois qu'on fera un sujet là-dessus avec l'archéologie, etc., avec l'Homo sapiens, Néandertal, etc. Il y a beaucoup à dire. Mais cette réécriture de l'histoire, elle est essentielle. Et il s'agit, tu parlais de Laurent Grozon, tu parlais de légitimation. Et ça va de pair avec le phénomène de délégitimation. C'est-à-dire que pour légitimer la présence des boukaks, il faut dire dans le même temps que les Blancs sont illégitimes. Et c'est ça la dynamique en cours. Donc il faut effectivement réécrire l'histoire. Et ça se fait, tu as également eu extrêmement raison de le souligner, c'est la réécriture des manuels d'histoire pour les gosses. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que chacun sait pratiquement à quoi s'en tenir. Mais on m'a... pas plus tard qu'aujourd'hui, on m'a envoyé un petit message. Quelqu'un de Toulouse m'envoie un PDF, qui est un PDF public d'une commune ou d'une communauté de communes qui finance un projet pour accueillir des gamins. Donc genre, c'est pas vraiment une garderie, mais c'est un petit truc similaire, quoi, de cet ordre-là, quoi. C'est pas une école, mais pour prendre en charge les enfants, quoi. Et le machin s'appelle, je sais plus comment, quoi, un truc en langue occitane. Donc voilà, bon, très bien, formidable. Je me dis, c'est bien. Je lis les deux premières pages. Un truc en langue occitane pour prendre en charge les gamins, formidable, enracinement. Je descends un peu, et là on commence à nous expliquer, on nous fait un topo sur la coexistence pacifique entre les morts et les populations locales dans la région de Toulouse au 8e siècle en Catalogne. Donc en fait, je découvre que 8e siècle, la Catalogne existait, ce qui est un scoop quand même, et que vivaient pacifiquement en fait les bougnoules et les blancs, hein, en gros. Bon, donc, oubliez la Reconquista, oubliez Charles Martel. En bonne intelligence, réconciliation. Voilà. Et voilà comment on vous réécrit l'histoire en deux minutes, et on va vous foutre des gosses dans le truc. Et ça, c'est des gauchistes acharnés qui sont... Et il y a aussi des régionalistes là-dedans. Je vais pas m'attarder sur le sujet, mais enfin, c'est quand même à la base des régionalistes de la région de Toulouse qui sont en train de s'associer à des bougnoules pour réécrire l'histoire contre l'État français, pensant se croire plus malin, machin. Et au final, tu te retrouves avec un effet complètement contre-productif parce que c'est pas du réenracinement, c'est de la destruction raciale. Donc, le sujet que tu as mis sur le tapis, il a énormément de ramifications. Il est organique, on le voit partout, il suffit juste de donner un petit peu la peine de le regarder. C'est vrai dans les manuels scolaires, c'est vrai, comme je l'ai dit, pour des initiatives financées publiquement pour accueillir des gamins, c'est vrai sur les réseaux sociaux, etc. Et on aurait bien tort de prendre ça comme un truc inoffensif, parce qu'en fait, c'est la base qui va servir pour, en gros, pratiquer la traite des Blancs dans les décennies à venir, hein, quand même, parce que c'est ce qui va. Oui, c'est un discours qui est pas dur non plus à entendre par des jeunes maghrébins au cuit dromadaire. Donc évidemment, ce genre de discours qui légitime leur présence et leur haine du blanc et de l'occidental fait que ça permet d'avoir une armée de conquérants à faible coût, hein, puisque bon, voilà, derrière ça, il y a cet aspect volontaire et conquérant de l'islam, qui est d'envahir et de dominer entièrement le pays qu'ils occupent. Donc c'est certain qu'en plus il y a un public pour ça, qui ne demande que ça, des types absolument médiocres, abrutis, crétins, et on leur dit qu'en fait c'est les rois du monde, donc c'est Socrate et c'est Platon, quoi. Mais de toute façon, on reviendra, je pense, sur ce sujet, parce que comme tu dis, Gandalf, ça a des ramifications. Je pense qu'on pourrait presque, si on prenait le temps vraiment d'aller dans tous les sens là-dessus, on pourrait faire une émission entière là-dessus. Donc on reviendra là-dessus. Je ne sais pas si tu veux faire la pause maintenant. Ou... Si, on va la faire. Très bien. On fait la pause et il y a Derek aussi qui nous a rejoint. Derek, ouais. est-ce que tu es là ? Coucou, je suis là. Eh ben très bien, tu vas pouvoir discuter avec nous après la pause. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Pourquoi les gens qui viennent sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'envie un peu haineux. Ce sont des sales rebeux. Pourquoi les gens qui viennent ont-ils toujours un peu la flemme? Ils apportent leurs problèmes, ben y'a rien à dire, y'a rien à faire de mieux que de cacher sa haine. Et moi je les connais à peine, et ce serait une veine qu'ils s'en aillent enfin chez eux. On pourrait leur faire dans une belle toute la place qu'on veut, même si ça ne vaut pas la peine, puisqu'ils reviennent dès qu'on a détourné les yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, faut virer tous les rebeux. Pourquoi les gens qui viennent sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'ils jugent être infidèles. Pourquoi les gens qui viennent sont-ils toujours plusieurs centaines? Quand y en a plus de deux, y a quelque chose qui vous éloigne d'eux. Ce sont des choses humaines. Et moi je vote même pas FN, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un jour chez eux. On pourrait leur faire sans que ça gêne, comme en 42, mais faut surtout pas que ça traîne, qu'on les ramène et qu'on le fasse avant d'être vieux, qu'on les jette au fond de la Seine, qu'on vide les banlieues, faut virer tous les rebeux. Faut virer tous les rebeux. Faut virer tous les rebeux. Alors, retour donc pour cette deuxième partie. De notre petit épisode démocratie participative. Et alors là, évidemment, là, c'est le feu d'artifice. C'est le cas de le dire, hein, quelque part. Et c'est le feu d'artifice de la semaine, le feu d'artifice du 14 juillet. Hein. Bon, je pense que la plupart de nos auditeurs sont au courant. Bon, voilà, hein, Nice, 84 personnes mortes sous les roues d'un camion conduit par un islamiste, 200 personnes blessées sur la promenade des Anglais, très connue naturellement, hein, illustre, à Nice, alors qu'effectivement se déroulait la fête nationale française. Bon, y a beaucoup de choses à dire, on va les aborder dans le détail. Je crois qu'on va faire un rappel des faits, mais d'abord, je veux prendre à chaud votre sentiment sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Je vais commencer par Argyle. Argyle, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Bah, écoute, dire qu'on est surpris, on peut pas. Après, voilà, il est évident que dans un pays européen où il y a 15 millions d'Afro-Maghrébins, pour la plupart musulmans, qui sont tous plus ou moins solidaires avec le djihad, je dis plus ou moins, parce que bon, certains vont condamner, mais enfin, il n'y a pas de condamnation violente, disons que certains vont rester neutres peut-être, mais on n'a pas vu beaucoup de musulmans virulents condamner de manière virulente l'État islamique. Donc voilà, il est arrivé, et moi je pense que ça peut arriver assez régulièrement, parce qu'en fait, l'islam en tant que tel, je ne parle pas du fondamentalisme islamiste comme Marine Le Pen, mais l'islam en tant que tel arrive à encadrer religieusement tout en un bloc de haine compact, tout le ressentiment que peuvent avoir les Afro-Maghrébins vis-à-vis des Blancs, vis-à-vis des Occidentaux, et en fait, qu'il y ait des passages à l'acte de ce genre est absolument pas étonnant. En plus, le coup du camion, je pense que ça peut donner malheureusement un exemple à d'autres, puisque avec des moyens dérisoires, il a pu faire 84 morts, alors que des types qui se font sauter n'arriveront pas à en faire autant avec une charge explosive qu'ils portent sur eux. C'est une petite racaille tunisienne qui doit avoir un QI de babouin et avait une vie de loser intégral et qui a décidé d'en finir. Mais voilà, ils ont maintenant, grâce à l'islam, grâce, au côté héroïque du djihad, ils peuvent se permettre de terminer leur vie de merde de manière héroïque. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, sur le nombre, c'est évident qu'il va y en avoir d'autres qui vont se dire « on a cette porte de sortie ». C'est-à-dire que je suis une petite racaille, j'ai loupé ma vie, lui il a divorcé, enfin soi-disant il était dépressif, bref, il était rejeté un peu de tous les côtés. Et le type se dit, j'ai quand même une issue qui, et donc l'islam encadre tout cela, c'est-à-dire qu'il va arriver, il sera lavé de tous ses péchés, et il pourra faire un carnage sur des Blancs. Et donc ça, en plus, c'est quelque chose dont il doit rêver depuis assez longtemps, hein, quand on voit la gueule des Afro-Maghrébins qu'on croise, même le mec qui te sert dans un magasin, tu vois rien qu'à sa gueule qu'il a envie de t'égorger ou de t'étouffer avec les articles que t'achètes, quoi. Donc voilà, ça va être une justification de toutes sortes de violences, et celle de Nice, c'est quand même pas mal, quoi. Là, j'ai revu quelques images, c'est assez impressionnant, là, la boucherie, là, j'en ai vu sur un site américain, là, qu'on n'arrive pas à les avoir sur les sites français, le type fait un sacré carnage, et malheureusement, ça va donner un exemple à d'autres. Il ne faut pas compter sur les gouvernants pour prendre les seules et uniques mesures qui empêcheraient toute récidive, c'est-à-dire fermer toutes les mosquées de France, expulser la plupart des extra-européens et des afro-maghrébins de France et rétablir nos frontières. Voilà, c'est l'unique moyen qui nous permettrait d'empêcher de nouveaux Nice, de nouveaux Bataclan, de nouveaux attentats. Ouais, je veux quand même rectifier un truc, hein, c'est qu'il est clair que cette attaque ne visait pas des Européens ou des Blancs, puisqu'il y avait 2 musulmans parmi les victimes. Alors attention quand même. Ah oui, pardonne-moi, j'avais pas pris en compte cet élément, et puis c'est surtout qu'ils ont dû être particulièrement visés, étant donné que des Maghrébins, des musulmans à Nice, bon voilà, c'est quand même pas évident de tomber dessus. Musulmans sur lesquels tous les médias se sont focalisés. On se demande pourquoi. On se le demande. Oui, puis surtout que les Arabes qui aiment fêter le 14 juillet, c'est un peu quand même, enfin, on en trouve à tous les coins de rue quand même. Hein. Oui, et puis des Arabes qui fêtent le 14 juillet, quelque part, c'est un peu, ce sont des idolâtres, donc bon, c'est une perte qui n'est pas si grande que ça, hein, du point de vue islamique. Le démantèlement, la désarticulation est halal, quoi, en fait. Oui, mais justement, alors, avant de rentrer dans le détail de l'affaire, faut quand même dire une chose, hein, c'est que pour les djihadistes, si par hasard, si tu veux, pour la gloire d'Allah, dans le sentier de la guerre, tu massacres un musulman sans le vouloir, tu l'envoies au paradis. Hein. Donc, en fait, dans la logique des boukaks, le Tunisien en question, il a fait le plus beau cadeau qui existe aux musulmans qui sont morts. Il y en a très peu, hein, d'ailleurs. Mais est-ce que tu as droit aux vierges ? Est-ce que tu as droit à un double quota de vierges ? C'est ça qui est important. Là, il faudrait creuser le sujet. En tout cas, là, le Tunisien de choc, là, lui, clairement, il a gratté les 72 vierges, dont la virginité, l'hymen se reconstitue après chaque rapport. Faut quand même le rappeler, hein, c'est très précis. Par contre, les autres, je ne sais pas. Faudra étudier le sujet dans le détail. Alors, attends, juste, excuse-moi. Ouais. On parle du Tunisien, hein, donc voilà, de l'Isabelle. Tu as le droit de dire Bougnoul, hein. Tu as le droit de dire Bougnoul. Hein. Oui, voilà, donc ce Bougnoul dans l'identité affûtée. Hein. Moi, il se trouve que j'ai des connaissances, voilà, qui étaient pour la sécurité du feu d'artifice et qui était sur place, hein, qui était vraiment à côté. Et lui, il me dit, voilà, il m'a soutenu mordicus, qu'ils étaient deux. Voilà. Il n'y en avait pas qu'un, ils étaient deux Arabes dans l'habitacle du camion. Oui, d'ailleurs, je m'excuse de t'interrompre, mais il y a une vidéo qui circule où on voit un mec juste à côté du camion, au pied du camion, se faire arrêter, et se faire tabasser même par les flics. Donc, on peut se dire... On pense pas que c'est juste un passant comme ça qui a été arrêté par mesure de sécurité. Mais là c'était pas un mec arrêté. Il m'a dit dans l'habitacle après que les flics aient canardé, il y avait deux morts. Il y avait deux morts. Voilà, il y avait deux morts. D'accord. Voilà. Donc ça cache quand même beaucoup de choses au niveau du gouvernement. Je sais pas ce qui se cache, mais voilà. Moi je suis très anti-complotiste, voilà, par nature. Donc je l'ai cuisiné. Hein, j'étais lu avec lui hier. Et voilà, bon, outre le fait et toutes les descriptions assez horribles, hein, de massages cardiaques, de deux personnes en même temps pour essayer de les réanimer, et t'as les deux qui voilà, qui lui crève dans les mains, quoi. Il m'a soutenu que ils étaient deux. Ils étaient bien deux dans l'habitacle. Et ben, voilà. Là, on a au moins une information dure. On a vu une vidéo, effectivement, qui circule où il y a des gens à l'extérieur qui sont interpellés et calmés par les types. Et moi, j'avais reçu des témoignages de gens qui étaient sur place qui disaient non, non, non. Ils sont au moins trois. Dont certains ont essayé de s'égayer, qui ont été rattrapés. Bon, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, je pense, avec certitude, c'est qu'ils n'étaient pas seuls, il y en avait plusieurs. Deux, trois, on va savoir. Il peut y avoir aussi une grande confusion, vu le bordel qu'il y avait. Après, y a toujours des types qui ont un comportement un peu bizarre là-dedans, qui est d'autres, d'autres maghrébins excités ou un peu défoncés qui soient venus autour à ce moment-là. Il semble qu'apparemment, il y a un type qui essaie de jouer le héros, un maghrébin qui essaie de jouer le héros et qui se fait embarquer par les flics. Bon, il faut attendre un peu, mais quel serait l'intérêt du gouvernement, voilà, du complot, je dirais entre guillemets, de dire qu'il n'y en avait qu'un au lieu de deux ou trois? Bah, parce juste, que c'est de la censure de guerre. Oui, c'est de la censure de guerre. De parler du cas isolé, voilà, c'est un cas isolé, il est tout seul, il est en dépression, machin. Voilà, d'ailleurs, disons que pour l'opinion publique, ça fait quand même plus peur si y a une bande organisée de plusieurs personnes, qu'il y a une... Enfin, par rapport à, effectivement, un mec... c'est ce qu'on va nous raconter, donc le mec divorcé qui a pété un câble, et voilà, qui a agi en gros tout seul... si à côté de ça c'est une bande organisée qui a planifié etc et qui sont à deux ou à trois ou plus j'en sais rien, ça fait quand même beaucoup plus peur à la population hein, je pense. Alors moi je crois que c'est le contraire, enfin c'est mon avis, mais je pense qu'ils ont fait une belle boulette en fait, justement en insistant sur le côté il a divorcé, il a des problèmes machin et compagnie, parce que j'ai regardé cet après-midi, ils ont dit qu'il s'était radicalisé avec une rapidité fulgurante, qu'il n'avait pas pu le remarquer, donc le suivre et compagnie. Et je pense qu'au contraire, c'est ça qui va faire le plus réfléchir les gens. Je parlais avec un pote à moi qui est gauchiste, bon, qui ne l'est pas entièrement, mais quand j'ai parlé avec lui et que je lui ai dit « Ouais, mais voilà, le truc, c'est que dorénavant, n'importe quel bougnoule qui va passer... va être un potentiel criminel, enfin criminel, terroriste, et va pouvoir buter des gens avec une voiture, un camion, n'importe quoi, un couteau, une brosse à dents, n'importe quoi. Et je pense que nous, dans notre milieu, on devrait jouer en fait sur ça. Il y a peut-être une autre information qui vient de sortir, qui vaut ce qu'elle vaut. Vous pouvez peut-être évaluer la chose. Dans la presse belge, qui reprend un article du Daily Mail, donc un tabloïd britannique. Et cette information révèle que la famille du tueur, qui est établie en Tunisie, a reçu une somme de 100 000 euros qui leur a été envoyée par le tueur. Et cet argent aurait été envoyé quelques jours avant la tuerie de Nice de ce jeudi soir. Et voilà, ouais. Voilà. Un acte, voilà, sur pas du tout prémédité, hein, n'est-ce pas? Alors, faut savoir un truc. Là, je vous donne un truc. Bon, je vous donne une information. Il faut le savoir. C'est par exemple les groupes djihadistes ou terroristes palestiniens. Les mecs qui partent en mission pour se faire tuer, leurs familles reçoivent toujours des chèques de la part des Saoudiens, de la part des Iraniens, etc. Ça fait partie du deal, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est très répandu, en fait. Mais en France, on découvre. Parce qu'évidemment, on n'est pas habitué, mais quand on voit des djihadistes, ils meurent dans la gloire d'Allah. Mais le deal, c'est de dire, oui, tu vas mourir pour la gloire d'Allah, mais n'aie pas peur, ta famille, on va s'en occuper. C'est-à-dire que la Oumma va s'occuper de ta famille. Et c'est pas du flan, parce que voilà un chèque. Évidemment, il y a des calculs politiques, il y a des jeux très complexes, etc. Et les mecs, ils pensent à autre chose. Mais il y a quand même la carotte en disant, voilà, t'en fais pas, une fois que tu seras mort... ta famille va gratter un truc, etc. Comment dirais-je Je pourrais faire un petit aparté, si ça vous dérange. Oui, oui, vas-y. C'est évidemment, bon, comme après chaque attentat, on a droit à « c'est pas ça l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, le Coran n'a jamais dit de faire ça ». Et par contre, il suffit de s'intéresser un petit peu au Coran, de lire ce qu'il y a d'écrit dans le Coran, et de voir qu'il n'y a pas trop de sujets à interprétation. Voilà, j'ai quelques extraits à vous soumettre qui sont tout à fait explicites. Hein, sourate 2, verset 190, quand il parle des transgresseurs, tuez-les partout où vous les rencontrerez. Donc, tu vois, c'est assez compliqué à dire qu'il y a une interprétation différente. On retrouve aussi, concernant les incrédules, donc ceux qui ne croient pas en l'islam, sourate 4, verset 89, tuez-les partout où vous les trouverez. Voilà, bon, même si se répète... un petit peu, il y a aussi la promesse de la carotte, hein, sourate 4, verset 95, « Dieu a promis à tous d'excellentes choses, mais Dieu préfère les combattants aux non-combattants, et il leur réserve une récompense sans limite, d'où l'admiration aussi pour les djihadistes de la part des musulmans dits modérés. » Alors il y a des choses aussi qui peuvent permettre aussi de déculpabiliser le tueur, puisque Sourate 8, verset 17, ce n'est pas vous qui les avez tués, les incrédules, donc les mécréants, mais Dieu les a tués. Donc déjà, ils sont totalement exonérés du meurtre. Ensuite, Sourate 8, verset 39, combattez-les, les mécréants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que le culte soit rendu à Dieu en sa totalité. Ça veut dire que tu es combattant, en fait, jusqu'à temps que la terre ne soit pas islamique. Donc combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent directement le tribut après s'être humiliés. Donc ça, on arrive dans la dimitude, hein, Sourate 9, versets 29 et 30, qui se termine par « que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides ». Donc là, il parle des chrétiens. La Sourate 33, versets 26 et 27 précise que Allah vous a donné en héritage leur pays, leurs habitations, leurs biens et une terre que vos pieds n'ont jamais foulée. Donc voilà, ça veut dire que vous êtes là pour vous servir. Et enfin, une autre sourate qui dit, lorsque vous rencontrez donc les incrédules, c'est-à-dire les mécréants, frappez-les à la nuque jusqu'à ce que vous les ayez abattus. Donc ça, c'est la justification de la décapitation. Et enfin, dernier petit extrait, Mahomet est le prophète de Dieu, ses compagnons sont violents envers les impies. Donc en fait, dans le Coran, il y a une justification permanente de la violence qui est faite, et ça permet d'encadrer religieusement cette espèce de barbarie, de boucherie, de carnage islamiste, et qu'on nous dise, qu'on nous rebatte les oreilles avec « c'est pas ça l'islam », il suffit de se pencher, voilà, théologien du Coran, c'est pas compliqué de tomber là-dessus. Je crois que t'as bien résumé l'idée que l'islam est une religion de paix, n'est-ce pas ? Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire, je te remercie beaucoup d'avoir synthétisé mon message. Et d'amour. Là, c'est marrant d'ailleurs, il y a un des passages que tu as cité sur la disculpation, c'est-à-dire que ça n'est pas vous qui les avez tués, c'est Dieu, c'est-à-dire c'est vraiment l'algérisme mental, quoi, c'est-à-dire les mecs ne sont capables de rien, et même quand ils tuent, de toute façon, c'est pas de leur faute, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Donc c'est les sionistes, si tu tues un infidèle pour la gloire d'Allah, c'est pas moi, c'est Dieu. Le mec, c'est mon fils, il a rien fait, quoi, tu vois, c'est ça. Hein. Donc, d'ailleurs, heureusement qu'il y a à l'extrême droite certaines personnalités pour dire que Nice est l'œuvre des kabbalistes. Des noms. Je ne ferai pas l'honneur de la citer. Je sais pas, non, là, c'est pas vraiment l'extrême droite, mais je veux quand même, parce qu'on en parlait tout à l'heure, attirer votre attention sur la réaction du libre Boukak. Hein, qui explique que Nice, le 14 juillet, comment est-ce que les responsables politiques peuvent laisser faire ça, cette fête irresponsable, ces dépenses, etc. Et donc, qu'en gros, ça coûte trop cher, et sachant la menace, le risque, etc., on devrait juste ne plus fêter le 14 juillet. Bon alors, après, hein, républicain ou pas, j'imagine qu'il y a des gens que ça inquiète plus ou moins. Mais la solution, en gros, des bougnoules mentaux, c'est on arrête de fêter le 14 juillet et j'imagine qu'on passerait plus de temps à célébrer l'Aïd, par exemple, ou je ne sais quoi. J'ai envie de te dire, la meilleure solution pour être en paix, c'est de se convertir à l'islam. Oui, ça irait plus vite. Comme ça, plus de guerre, tout le monde... Résumons le problème. Tout le monde est égaux, le problème est résolu. Appliquons la charia avant qu'on nous l'applique. Voilà, ça va plus vite. C'est la méthode, la méthode égalité. Alors, on va rentrer dans le détail maintenant sur ce qui s'est passé. Et je me suis dit que la façon la plus intéressante, en fait, de revenir dans un premier temps sur le rappel des faits, quoi, hein, ce qui s'est passé ce jour-là. C'était ni plus ni moins que de citer les témoins et les victimes. Et là, j'ai trouvé un article intéressant de Nice Matin, donc quelque chose de tout à fait mainstream, hein, on peut pas dire que c'est un journal publication subversive, qui rapporte effectivement le témoignage d'individus qui étaient présents sur les lieux du drame. Alors ça commence tout de suite par une citation des personnes qui étaient présentes, et donc je commence... on traversait la route et au même moment, je me retourne et je vois un camion passer. J'ai eu l'impression qu'il y avait un corps qui volait en l'air. On a commencé à voir des gens courir un peu partout, crier. Tout le monde essayait de trouver un abri. Tout le monde était affolé, se souvient Edgar, donc un des témoins. L'article poursuit. La panique paralyse les foules qui comprennent ce qui est en train de se passer. Là, l'article cite un autre témoin. Subitement, je vois des gens tomber. Je crie, je hurle. Mon fils me dit, vite, c'est un attentat, dépêche-toi, raconte douloureusement Marie. Là, nous avons couru sur la prochaine plage qui s'appelle Neptune et on nous a enfermés un peu comme dans un bunker. On a mis la télévision et on nous a dit de rester cloîtrés. J'ai du mal à effacer les images que j'ai vues hier soir. Et on s'approche progressivement de la partie la plus pertinente. Pépé était chez lui, donc Pépé, évidemment, c'est un des témoins aussi, sur son balcon, lorsque le camion a percuté les corps sur la promenade des Anglais. L'article le cite. On a entendu plusieurs fois « Allahu Akbar », trois fois, détaille-t-il. J'ai vu qu'il prenait le volant à droite, à gauche, dans tous les sens, pour viser un maximum de personnes. C'était horrible. Il y avait des enfants par terre, en morceaux, des femmes, des personnes âgées. Ce n'est pas évident, ni à vivre, ni à raconter. Donc ça, c'est du témoignage direct cité par Nice Matin, un journal qu'on ne peut pas vraiment qualifier ouais, du tout de... Je peux t'en apporter d'autres aussi. Donc, oui. Moi, j'ai eu mon cousin qui a failli se faire tuer donc, dans cette boucherie, hein, qui était donc, à la promenade des Anglais à Nice. Il y a le camion qui lui est passé derrière. Alors, tout d'un coup, il voit un mouvement de foule, il se demande ce qui se passe, hein, il n'a pas vu directement. Et après, donc, il a entendu les coups de feu parce que bon, le mec, en même temps qu'il conduisait, il tirait hein, aussi. Voilà, il était armé, il tirait sur la foule. Donc voilà, ils sont allés se cacher sous une scène parce qu'il y avait un concert là. Voilà, c'était. Et donc après, quand ils se sont cachés, après, quand ils sont ressortis, c'est là qu'il a vu la traînée de cadavres hein, et puis de jambes déchiquetées, hein, même ceux qui n'étaient pas morts, qui avaient la. Qui s'était fait rouler sur une jambe, voilà, qui avait la jambe totalement explosée. Hein. Donc lui, comme il est secouriste, il allait faire les premiers trucs, le tri, quoi. C'est-à-dire celui-là, celui-là, c'est plus la peine. L'autre, vas-y, tu peux y aller. Parce qu'il y avait des pompiers qui sont arrivés vite. Hein. C'est des jeunes hein, mon cousin il est plus jeune que moi hein. Voir ça c'est pas voilà ça, c'est assez effectivement c'est assez chaud quand même bah c'est certain mais dans ce que j'ai dit là le truc qui est frappant c'est en fait dans les premiers témoignages tout de suite il y a l'idée que les témoins ont entendu les auteurs criaient « Allahu Akbar ». Donc oui, les motivations ne font aucun doute. Ça, j'ai la confirmation aussi de la part de mon ami qui est dans les forces d'encadrement, hein, qui l'a bien entendu crier « Allahu Akbar ». Tout à fait. Et ça n'a pas empêché, jusqu'à cet après-midi en France, les médias de remettre en cause les motivations islamistes sur BFM TV. Le journaliste Marshall n'a pas hésité à dire que les motivations islamistes du conducteur n'étaient pas du tout avérées, quoi. Et on l'a en vidéo, ça. Hein. Et 10 minutes plus tard, d'ailleurs, l'État islamique revendiquait officiellement. Donc la désinformation jouait à fond. Et ça m'amène donc sur ce sujet. Moi, c'est un sujet... C'est crucial parce que vous avez l'événement que tout le monde a compris, donc ce camion qui déboule sur la promenade des Anglais à 90 km/h, je ne sais pas, qui percute les gens qui sont massés pour regarder le 14 juillet, passer un bon moment. Beaucoup d'étrangers, il y a des Russes, des Américains, bon évidemment des Français, mais il y a aussi des Chinois. On a noté qu'il y a de la présence de Chinois, très très très international. Donc quand on touche Nice, la Côte d'Azur en plein été. Forcément, on va faire un carnage qui aura un écho international. On a les médias qui soudainement, sans surprise, mais parce que nous on est un peu rodés, mais qui essayent de dire voilà, mais peut-être on ne sait pas, c'est pas très clair, le type était déprimé, etc. Alors là, on arrive sur le second point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est les réactions du gouvernement et des médias. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, mais c'est de l'excuse, quoi. C'est-à-dire, tu fais, bon, les Maghrébins, qu'ils soient tous plus ou moins cinglés, hein, on sait qu'ils qui ouais, dans les endroits où ils sont présents en masse, les hôpitaux psychiatriques sont remplis d'Algériens, hein, ce qu'on appelle les fils de vieux. C'est-à-dire c'est des vieux de 75 ans qui ont fait des gosses à une minotte de 16 ans, hein, qui sont allés prendre au bled. Et ça fait des fils de vieux, ça fait des tarés. Et ces tarés-là, ils finissent dans des hôpitaux psychiatriques. Bon, il y en a qui passent à côté, hein, mais bon, c'est pas nouveau que c'est pas nouveau qu'ils sont mentalement dérangés. Donc, qu'un maghrébin soit mentalement dérangé, quelque part, ouais, qu'on justifie ça pour dire, ouais, mais bon, voilà, finalement, c'est pas islamique, etc. Ouais, mais bon, si tu dis que tous les déséquilibrés musulmans ne sont pas musulmans, justement, il va pas rester beaucoup de musulmans. Moi, je, par rapport à, c'est Patrick Calvar là qui avait raconté que il fallait faire attention à l'ultra droite, n'est-ce pas? Et quand on voit ce mec, et parce qu'on parle des réactions donc des autorités françaises. Et quand moi je vois les yeux de ce mec-là, j'ai l'impression que bon, non seulement hein, il nous raconte des histoires avec les légions, les troupes, les bottes de l'ultra-droite qui seraient prêtes à marcher sur l'Elysée, mais j'ai vraiment l'impression de voir des gens qui bandent de voir des Français et autres se faire écraser par des camions comme ça. C'est vraiment... Il suffit de regarder leurs yeux, bah, ils sont là dans les photos prises lors des déclarations publiques, etc. C'est vraiment des gens qui méritent au strict minimum le mépris le plus total, pour ne pas dire la vengeance populaire la plus violente. Donc voilà, moi j'avais... Non, mais parce que c'est juste insupportable, quoi. C'est-à-dire que je sais pas d'où ils sortent. Je sais pas d'où ils sortent, ces gens-là, mais voilà. Hein. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en parlant justement de la réaction des enculés qui gouvernent, c'est que le jour même, le 14 juillet, hein, voilà, défilé, mes couilles, Hollande fait un discours, il explique que en gros ça va mieux, hein, voilà, donc il y a des attentats partout, l'économie s'effondre, il y a des chemistes, je dis des chemistes volontairement, hein. Il y a des chemistes partout, etc. Et puis ça va mieux et il dit le danger c'est le populisme. Hein. Donc en fait c'est le peuple, hein, le peuple. Oui, le pas... danger c'est qu'on vienne étrangler Hollande au milieu de la nuit en fait. C'est ça qu'il a peur quoi. Mais il a bien raison d'avoir peur de ça. Il a bien raison. Mais en gros il t'explique que c'est ça le truc numéro un. Et le soir même, des bougnoules font un attentat. C'est l'État islamique qui égorge une nouvelle fois. Et là, Hollande, il est largué. C'est-à-dire qu'il t'a expliqué l'inverse la veille, le lendemain, il ne sait plus où il habite. Bon, bref, c'est un désastre, quoi. Enfin, je veux dire, bon, ces clowns qui sont au gouvernement, c'est juste impressionnant d'avoir des gogoles pareils qui sont aux commandes. T'y crois juste pas, quoi. J'ai pas le sentiment qu'il désigne véritablement, pour des raisons évidemment électorales, le problème islamique, quoi. C'est-à-dire que les mecs sont là. En fait, il y a des centaines de Maccabées déjà en France maintenant, parce qu'on peut dire qu'il y a des centaines de Maccabées dans cette histoire. Avec tous les attentats qu'il y a eu, il y a des centaines de Maccabées. Et on n'est toujours pas là en train de dire, mais attendez, c'est quoi le problème avec les musulmans, là? Non, on est là. Voilà, passons à autre chose. L'extrême droite. Si tu reprends le rapport Terra Nova à l'époque du think tank du PS, c'était en 2012, je crois, dans lequel il disait qu'il fallait que dorénavant, pour prendre le pouvoir et se maintenir au pouvoir, il fallait que le PS mette sa politique électorale, enfin, appelle la communauté musulmane et les immigrés à voter pour eux, quoi. Et c'est ce qu'ils font, c'est du clientélisme. Bah clairement, mais bien sûr, ça c'est un fait, hein. Ça c'est un fait, hein. Y a pas de souci, mais c'est tellement flagrant que... Oui, et puis c'est surtout que c'est à ce stade-là, c'est plus des clowns, c'est-à-dire les clowns c'est censé être rigolo, même quand c'est des clowns tristes, tu vois, c'est pas grand-chose, mais là c'est vraiment des psychopathes, hein. C'est-à-dire mais c'est des criminels. Tu vois, oui, des criminels, non mais des psychopathes, parce que bon, il y a criminels et criminels, c'est-à-dire ce sont des gens qui vraiment... Tu le sens que ça, ils aiment ça, quoi, quelque part. Ils aiment voir des sales bougnoules écraser des gens, tu vois. C'est-à-dire, ils se réveillent le lendemain matin, bof, ah, pff, C'est voilà, c'est des, je sais non, pas. Non, mais il s'éclate. Attends. Il y a un Il y a un truc qui est récurrent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un attentat qui tue des Occidentaux, qui tue des Blancs ou qui tue des Français en l'occurrence, les mecs dans les banlieues de l'Hexagone, que ce soit à Paris, j'ai eu des témoignages directs, les mecs ont la banane, quoi. Mais ils s'amusent, quoi. Ils sont là, ah là là, ah je me suis réveillé ce matin, là, j'ai la niaque, tu vois, ça me fait bien plaisir, quoi. Et les mecs, et tu allumes ta télé, tu vois, et on est en train de bourrer le mou aux populations qui sont ciblées en disant, mais non, mais attendez, qu'est-ce que vous... C'est quoi vos... Non, tout va bien, les musulmans sont nos amis, sont nos frères, je veux dire, c'est la meilleure des religions, comme ils disent d'ailleurs les bougnoules, c'est la meilleure des religions, tu vois. Probablement la meilleure pour eux, en tout cas leur image. Et c'est là l'escroquerie, c'est-à-dire qu'en fait, de par la politique du gouvernement, de par l'attitude de ces gens-là, et là, je veux dire, c'est droite, gauche, on s'en fout, hein, c'est les mêmes gens qui gouvernent de toute façon, ils créent les conditions qui excitent les arabo, enfin les afro-musulmans au passage à l'acte. C'est inévitable et c'est évident. C'est évident, absolument évident, quoi. Et ils se réjouissent, ils s'éclatent, ça les amuse, ils sont heureux, tu vois. Ils se sont dit 84, c'est pas assez. Si, ils vont juste pleurer parce qu'il y a eu 3 bougnoules dans l'affaire, et ils vont dire, ah bon, ouais, mais bah, Inch'Allah, c'était comme c'est ça. 3 électeurs PS en moins, quoi, merde. Ouais, non, mais voilà. Bon, donc, alors, je veux passer maintenant au profil du djihadiste, du terroriste, hein. Parce que c'est le seul sur lequel on dispose d'informations, parce qu'il y en avait d'autres, maintenant on peut le dire, mais lui, on a des informations. Alors, en fait, c'est une source tunisienne qui nous en parle. C'est parce qu'en Tunisie, vous le savez, il y a beaucoup de tensions, parce qu'en fait, on a une partie du pays qui est anti-islamiste et une autre partie qui est pro-islamiste, un peu comme en Égypte, etc. Et donc, ils ont des informations, et ils les ont livrées sur l'Internet. Et voici ce qu'on peut apprendre. Là, c'est au niveau de l'auteur, mais vous allez voir où je vais en venir. Je vais vous expliquer tout ça en direct. Je cite l'article. Le terroriste qui conduisait le camion qui a écrasé 84 victimes, enfin qui les a tués, quoi, à Nice, n'est pas franco-tunisien. Là, vous en rappellerez, au début, on a dit c'est un franco-tunisien. C'était de la connerie. Comme cela a été annoncé par les médias français, mais un émigré tunisien âgé de 31 ans qui vivait en France depuis 2008 et qui a obtenu le séjour à la suite de son mariage avec une franco-tunisienne. Sa propre cousine, elle s'appelle Hajer, qui est installée à Nice et dont il a eu 3 enfants. Alors là, il y a plusieurs choses déjà. C'est-à-dire que c'est un article tunisien, de la presse tunisienne, c'est pas un article de fasciste, hein, qui explique en fait que typiquement, à la mode maghrébo-arabo-islamique, ces mecs baisent leur cousine au premier degré. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des endogames en puissance et ils créent des dégénérés en quantité industrielle. Donc, premier point, on retrouve la politique eugéniste inversée, où en fait, la prime va aux plus dégénérés. Hein, et ça produit des dégénérés sur des dizaines de générations. On en compte 50 aujourd'hui. Hein. Depuis l'apparition du prophète Mahomet, n'est-ce pas, la pratique de l'endogamie, probablement même antérieure, ça fait 50 générations. Donc 50 générations de dégénérés qui cumulent les tares génétiques année après année, en sachant que l'endogamie est un désastre au plan psychiatrique et physiologique, hein, pour l'être humain. Donc ce type a épousé sa cousine, est probablement lui-même le fruit d'un mariage consanguin, et a donc tué des gens, comme je l'ai mentionné. Ensuite, et là, vous avez probablement vu ça dans la presse française, on a fait grand cas des émotions du père du terroriste. Hein, vous avez entendu parler de ce père-là, il a rien fait, c'est pas la religion, voilà. Donc, vous savez, ce père de famille éploré, c'est pas ça l'islam, hein, vous connaissez le mot d'ordre. Alors voici ce que dit l'article, toujours le même, de la presse tunisienne. Alors donc là, il commence en parlant du terroriste. Il s'appelait Mohamed Laouej Bouhelet, et il est originaire de la ville sahélienne de Msekhen, gouvernorat de Sousse, où il est né le 3 janvier 1985. Selon nos sources policières en Tunisie, sa mère s'appelle Chérifa et son père est membre du parti islamiste Ennahda, et il est connu à Msekhen comme étant un extrémiste violent que la police de Ben Ali surveillait de près et qui est devenu, après janvier 2011, l'un des leaders locaux d'Ennahda à Msekhen. Donc en fait, ce type est un fils d'islamiste. Voilà. Et c'est le même père islamiste, cadre du parti islamiste tunisien, qui explique à la télévision que son fils n'a rien à voir avec la religion, tout en expliquant qu'il ne l'a pas vu depuis 2008. Donc moi j'étais frappé de voir ça, c'est-à-dire qu'il explique « Mon fils a quitté la Tunisie en 2008, on n'a plus de nouvelles de lui depuis ce temps-là, donc ça fait 8 ans, mais je peux vous garantir qu'il n'y a aucun rapport avec la religion. » Donc c'est vous dire la désinformation étatique. Mais il y a eu plein d'autres trucs, est-ce que vous avez des choses là-dessus ? Je crois que parmi les premières réactions, il y avait l'idée que c'était quelqu'un qui aimait danser la salsa, enfin il y avait des éléments comme ça pour essayer de le distancer de la religion stricte, etc., etc., pour expliquer qu'évidemment, ça n'était pas un musulman. Bon, c'est du foutage de gueule, évidemment, et comme par hasard, voilà, le père est un islamiste connu dans le pays d'origine. Mais à part ça, le truc qui est le plus choquant, de toute façon, c'est que les détails sur le profil du tueur, en fait... comme à chaque fois que ça gêne les autorités, donc dès qu'il s'agit d'un islamiste, bougnoul, nègre, en veux-tu, en voilà, les détails sur le profil du tueur tardent énormément à venir. Et moi, je me rappelle de la soirée du 14 juillet où c'est arrivé, d'avoir attendu, parce qu'on attendait tous d'avoir une information, savoir un petit peu de qui il s'agissait. Alors évidemment, on avait tous notre petite idée, n'est-ce pas, quand même, hein, on se doutait de quelque chose, mais on a beau eu attendre toute la soirée, se lever le lendemain matin pour voir s'il y a eu des mises à jour, etc., etc., c'est vraiment arrivé très très lentement, au compte-gouttes, et je dois dire que moi, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu très peu d'informations qui ont filtré, si ce n'était pour dire effectivement que ça n'est pas lié à l'islam, que c'était quelqu'un qui aimait danser, comme si, voilà, c'est un rapport, mais bon, bref. C'est quand même hallucinant de voir comment il couvre le truc, quoi. Enfin, comment il... Il y a vraiment eu une psychologisation du problème, enfin, en disant, voilà, le mec est divorcé, il est dépressif, son père nous le confirme, tu parles, son père nous disait qu'en 2002-2004, il avait pris des cachets. Et il avait les médias français en boucle, quoi, tu vois, mais tous les médias, c'est-à-dire, oh là, 2002-2004, il est dépressif, donc il était dépressif en 2016, quoi, tu vois, je veux dire. Ouais, et alors, c'est pour ça qu'il écrit Allah Akbar, mais ça avait disparu du portrait, quoi, tu vois, pour pas parler de ses complices. Voilà, donc il était dépressif, il aimait la musculation, donc s'il aimait la musculation, c'est que c'est pas du tout un islamiste, ça. Ah, surtout, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même en dehors de ça, une des caractéristiques de l'islam, c'est qu'elle fournit une bannière à tous les losers qui, à la dernière minute, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, ont raté leur vie pour une raison ou pour une autre, qui, enfin, surtout des Arabes, évidemment, qui sont ou des nègres, qui sont au bout du rouleau et qui décident, à la dernière minute, de dire bah, « je vais mourir pour la gloire d'Allah », quoi, et qui se rallient à l'islam à la dernière minute, en quelque sorte... de façon à redorer leur blason, hein, qui, en dehors de ça, était quand même... voilà. C'est très possible que ce soit quelqu'un qui n'avait pas, à la base, grand-chose... Bon, quoique, avec l'histoire du père, c'est difficile à croire, mais qui, effectivement, était éloigné de la religion, qui ait juste vécu une vie de loser bougnoulique de quelque part dans le sud de la France, et qui, arrivait effectivement au bout du rouleau, décidant d'en finir là, de mettre fin à ses jours, décide de le faire, n'est-ce pas, en grande pompe, en criant à la Ouakbar, en espérant que ça lui accorde une place je ne sais où avec je ne sais combien de vierges. Hein. C'est très possible. Ouais, absolument. Bah là, moi, j'ai trouvé par exemple un titre qui était assez révélateur, c'était sur les médias. Il y a eu la revendication de l'État islamique. Donc l'État islamique a revendiqué officiellement par son agence de presse la commission des attentats. Hein. Malgré ça, et malgré tout ce qu'on sait, hein, donc les Allah Akbar, les complices, etc., les revendications formelles par l'agence de presse de l'État islamique, on a la presse française de gauche, quoi, qui, en fait, continue d'essayer de démontrer qu'en fait, leurs amis musulmans, pour reprendre une formule utilisée par un célèbre mange-merde que je ne citerai pas, n'ont rien à voir là-dedans. Et là, alors, je cite l'article du Nouvel Obs, le titre. Déséquilibré ou terroriste proche de l'État islamique, la personnalité et le réseau de Mohamed Lawedj Boulel sont aujourd'hui au cœur des investigations. Donc c'est déséquilibré ou terroriste proche de l'État islamique, alors que l'État islamique revendique. Genre les mecs essaient toujours et les mecs ils au bout du jeu, tu sais, je veux dire au bout de 4 jours, ils vont te dire oui, effectivement, c'était bien un militant de l'État. Mais en fait, le but c'est qu'ils savent que tous les yeux sont braqués sur l'affaire pendant 24 heures, 48 heures et le but c'est de gagner du temps, de désinformer ne serait-ce que 20-30% de la population qui va s'intéresser au truc et de leur dire ouais mais quand même c'est pas sûr, c'est et juste de gagner là-dessus quoi. C'est de la statistique pure et les mecs sont dans cette guerre-là et ça c'est un truc d'enculé, c'est un truc de collaborateur. Et la presse du système, elle est clairement en pointe là-dedans et surtout la presse de gauche quoi. Et ça c'est un exemple concret quoi, je veux dire, c'est pas plus tard que ce soir. Hein, donc on est samedi, c'est pas plus tard que ce soir, et il y a le Nouvel Obs qui bombarde des trucs comme ça. C'est-à-dire que après la revendication officielle, ils sont encore en train de dire ouais mais en fait c'est bidon, quoi. C'est bidon, le mec il savait pas ce qu'il faisait, il savait pas qui il était, il a tué des gens, il savait même pas qui les tuait. Bon bref, c'est pas de sa faute, c'est de la faute à personne quoi. C'est la faute à pas de chance quoi, en gros. La faute à pas de chance quoi. Bah, c'est la discrimination qui l'a certainement poussé à passer à l'acte. Et sur la désinformation qu'ont fait les médias, j'aimerais aussi rajouter que c'est normal qu'ils le fassent puisque tout le système repose sur l'idée que les Blancs peuvent vivre avec tous ces extra-européens alors que ces gens-là sont présents ici et sans que nous ayons été consultés, hein, c'est contre notre volonté. Et c'est pour ça que finalement, ils s'attardent sur le fait que c'est soit un déséquilibré, soit c'est quelqu'un qui s'est radicalisé par rapport à des problèmes dans sa vie, machin et tout, pour bien sûr dédouaner tous les extra-européens qui sont ici, et surtout pour ne pas parler du problème, parce que le problème, c'est l'islam. C'est pas tant l'islam le problème, parce que si les musulmans sont chez eux et qu'ils sont pas chez nous, à la limite, s'ils ont envie d'enculer des chèvres, ça les regarde, quoi. Moi, j'en ai rien à battre. Non, le véritable problème, c'est qu'on ne nous a pas consultés, on nous force à vivre avec ces gens-là, et en plus, ce sont des gens qui ne peuvent pas nous blairer pour des raisons historiques, ataviques, et tout ce qui est tout le tralala. Il est là le vrai souci, quoi. Oui, et comme tu dis, tout le système repose sur le mensonge selon lequel on est censé pouvoir vivre ensemble, en paix, reposer, etc. etc. Et donc, si un événement vient contredire cette narration-là, évidemment, il faut arriver à le retourner, hein, il faut surtout pas remettre ça en question. De risque que les gens aient, voilà, aient des envies de clash des civilisations, n'est-ce pas? Donc, oui, bah, c'est bien ça qui se passe. Et d'ailleurs, j'aimerais insister sur le point, pour tous ceux qui nous écouteront, le problème, c'est pas l'islam. L'islam, en France, c'est la conséquence de cette immigration massive que nous n'avons pas voulu. Si ces gens-là repartent chez eux, ils font ce qu'ils veulent, s'en bat les couilles. Le problème, c'est qu'ils sont chez nous et c'est qu'on doit se les taper. Par exemple, les musulmans en Malaisie, j'en ai rien à foutre. Les mecs, ils sont pas chez moi en train de me casser les couilles. Oui, bah c'est sûr que sans arabes, pas d'islam, etc., etc. Donc, moi, maintenant, je veux rebondir sur les réactions des musulmans ou des maghrébins, qui a consisté à dire, et ça a été mais massif, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Ça, c'est le truc typique. Alors, on parlait, vous savez, on a tout au long de l'émission, on a parlé justement de la question de la responsabilité personnelle, individuelle. C'est des gens qui sont complètement imperméables à la notion d'introspection, de responsabilité individuelle. Parce que ce sont, en fait, des populations, je le dis, hein, inférieures au sens psychologique du terme. Ce sont des gens qui sont complètement dans une logique de dépendance vis-à-vis des peuples ou des races créatives ou créatrices, n'est-ce pas? Et ils ont complètement intégré, ou volontairement, ou même à l'état naturel, ce sont des gens qui se vivent comme des esclaves. En face d'eux, il y a le maître, et ils créent un rapport de force face au maître de l'ordre du chantage émotionnel. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, politiquement, techniquement, technologiquement, tu me domines, mais par l'émotion, par la moralité, je peux avoir un levier sur toi. Je peux créer un rapport de force par ce biais-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les mecs, ils disent d'abord, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je suis pas responsable. ma religion n'est pas responsable, ma culture n'est pas responsable, mes compatriotes sont pas responsables, rien à voir là-dedans, premièrement. Donc tu me questionnes, tu m'interroges, non, moi, pourquoi même tu me poses une question? Le fait même que tu me poses une question, déjà, c'est offensant. Tu vois, quand ils disent ça, c'est pour essayer de créer un rapport de force inverse. Déjà, ils disent, ah, comment, tu m'interroges, quoi, tu me poses des questions, sur toi, mais ça veut dire que tu m'agresses. Donc, deux victimes qui s'interrogent, tu deviens l'agresseur. Et c'est leur façon à eux de se dédouaner et de te réattaquer dans une logique de contre-offensive. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Des esclaves qui utilisent ça pour contre-attaquer parce que, en fait, ils n'assument pas le fait de remettre en question l'ordre établi. Ils le remettent en question, mais ils ne veulent pas payer les pots cassés. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la religion, c'est-à-dire quand Argyle citait le Coran, c'est-à-dire quand vous tuez un infidèle, c'est pas vous qui le faites, c'est Allah. Donc toujours cette notion de déresponsabilisation. Ça, c'est vraiment frappant, quoi. C'est pas moi qui a fait. Et j'avais résumé ça une fois. C'est des gosses, hein. Ce sont des gosses, quoi, dans leur. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, je résume le truc. Ils disent. Quand il y a un attentat, c'est pas bien, mais tu l'as bien mérité. Tu vois, c'est ce truc-là, c'est cette dualité, cette schizophrénie. C'est-à-dire que c'est bien fait pour ta gueule, mais je suis vraiment désolé. Cette domination-là, notre oligarchie cosmopolite l'accepte parfaitement et même l'encourage. C'est une sorte de ce rapport de domination, de refus de responsabilité, etc. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas l'oligarchie cosmopolite. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait même partie du storytelling médiatique, mais aussi politique, dire que c'est jamais de leur faute. Oui. Que c'est toujours la faute à la société, c'est la faute de ci, de ça, de la pauvreté. C'est un truc, il faut deux acteurs dans un truc. C'est ça, ça va dans les deux sens. Il faut le masochiste qui dise « j'aime me faire plaisir en souffrant » et il faut le sadique qui dit « tu souffres, mais c'est pas ma faute ». Donc le sadique n'assume pas le fait de faire souffrir, le maso prend la souffrance et assume la responsabilité de la souffrance. Tu vois. Et c'est un truc vachement pervers. Hein. Et on pourrait se dire « mais c'est anecdotique, etc. » Parce que, ceci étant dit, moi je dis pas que qu'un musulman de Strasbourg porte la responsabilité de ce qui s'est passé, mais de s'interroger sur les origines du truc. Les mecs disent ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec le monde musulman. Manière, ça ne peut pas avoir rapport avec l'islam, parce que chez ces gens-là, la théorie du complot est de mise. C'est plus une théorie, ils vivent dedans, quoi. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas les musulmans, c'est les sionistes. C'est la CIA, c'est Gladio. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que ces gens-là, ce dont tu parles, le fait de toute la logorée sur le complotisme, etc., utilisée par les afro-maghrébins ou les afro-musulmans, ce n'est qu'une manifestation de quelque chose de plus profond, quoi. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est une manifestation, c'est pas une cause. C'est-à-dire que le complotisme n'est pas la cause, c'est la manifestation. Ah oui, c'est la manifestation. C'est le symptôme. Ils sont innocents de tout et coupables de rien, comme d'habitude. Ce sont des êtres purs et innocents. Innocents, voilà. Oui, c'est innocent. Ils n'ont jamais rien fait, on ne peut rien leur imputer. Tout ce qu'ils ont fait depuis que l'islam existe, ils ont fait le bien, ils ont propagé le bien partout. Le fait est que c'est pas de dire que individuellement un mec, comme je dis, un musulman de Strasbourg est responsable d'un attentat en particulier, mais de dire il y a un problème dans votre culture, il y a un problème dans votre système de valeurs, on peut au moins s'interroger. J'avais entendu quelqu'un qui connaissait assez bien l'islam, qui m'avait dit que les chiites, qui représentent 10% hein, de l'islam, mais avaient beaucoup mieux accepté la remise en question par la raison de la croyance. Enfin, c'est-à-dire ils avaient beaucoup mieux, ils étaient un peu comme sont les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils avaient réconcilié un peu la raison et la foi, quoi. Ils savaient séparer les deux. Il y a le domaine de la raison où voilà, ce qui est raisonnable est raisonnable, ce qui est déraisonnable est déraisonnable. Puis à côté, il y a le domaine de la foi. Tandis que chez les sunnites, c'est complètement lié. Donc eux sont dans le déni de réalité en permanence. Ils n'ont pas encore accepté le raisonnable, quoi. Leur nom n'est pas raisonnable, quoi. Là, littéralement. Tu parles, c'est pas ceux qui, lors d'une célébration, se coupent le dessus de la tête avec des objets très pointus. Qui ça? C'est les chiites, mais ça c'est sanglant, c'est leur truc à eux, mais ils se le font à eux-mêmes. Mais ceci étant dit, le Hezbollah qui est chiite a perpétré des attentats sanglants et n'a jamais reculé devant la violence pour parvenir à ses buts. Ceci étant dit, moi ce que je veux dire, c'est que le réflexe, c'est qu'en fait, vous avez vu, par exemple, on voit ça à la télévision, des intervenants qui arrivent sur les plateaux télévisés. Mais pourquoi vous nous posez la question? Pourquoi vous demandez à nous? Et tu vois, et en fait, les types, ils se disent, si tu me poses la question, c'est que tu essayes de me remettre en cause moralement. Or, si tu essayes de me remettre en cause moralement, tu veux créer un rapport de force contre moi. Mais tu n'es pas légitime pour poser un rapport de force. Parce que, en définitive, tu es une salope, et ici, je suis le patron. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce sont des putains de métèques qui s'invitent chez toi. Ils veulent être les patrons. Et quand toi, tu leur dis, mais t'es en train de me massacrer, ils te disent, comment oses-tu seulement me poser la question? Et en fait, il faut les recadrer à coups de pompe dans la gueule, quoi. Je vais juste vous lire des interventions que j'ai reçues des mecs qui ont réagi aux attentats. Mais je vais vous le dire, je vais vous les lire parce que ça vient vraiment de l'algéro-musulman de base, quoi. Et là, ça vient de la rue, quoi. La méta-bougnoulerie, quoi. Avant que tu le fasses, je vais juste dire un truc. C'est pas pour rien si dans tous ces pays-là, ces pays ne peuvent fonctionner que quand ils ont quelqu'un avec une main de fer au pouvoir, quoi. Non, mais ça, c'est certain. D'ailleurs, ils respectent la force, hein. C'est le seul truc qu'ils comprennent, hein. Alors, j'ai trois messages que je vais vous lire. Il y en a un long, enfin, pas très long, mais long. Et il y en a deux, ils sont très courts. Premier message. Ferme ta gueule, sale fils de pute. L'islam restera en Europe, tu pourras pas changer. Ne jamais confondre entre musulmans et terroristes. Donc le type t'explique, je suis chez toi, chez moi. L'islam va triompher. Mais il ne faut pas confondre l'islam et le terrorisme. Ça, c'est une réaction à la suite d'un attentat. Donc les types évoluent dans la schizophrénie en permanence. Ça, c'est une première réaction. Une autre réaction plus articulée, plus longue. Mais ça commence de la même façon. Vous avez vu, hein, le premier, ferme ta gueule, sale fils de pute. Deuxième réaction, ferme ta gueule, espèce de sale fils de pute, de raciste. T'es une merde. La plupart des djihadistes sont des chrétiens convertis et non pas des vrais musulmans. Donc c'est pas nous. Oh là là là là là. Donc des convertis ne sont pas musulmans, quoi. C'est... Non, mais attends, oui. Voilà. Connard, il y a eu des victimes musulmanes et chrétiennes dans l'attentat. Donc en fait, tu vois, les chrétiens sont des salauds, ils se convertissent dans l'attentat, mais en fait, ils sont aussi des victimes. L'heure est venue de te supprimer de l'Europe entière, espèce de fils de pute de raciste de mes couilles. Il y a différence entre les musulmans et ces fils de pute de djihadistes qui, en plus de nous pourrir la vie, nous font passer pour des fous dangereux. Tu veux nous supprimer de l'Europe? Vas-y, je te laisse faire. Tu n'arriveras jamais à parvenir à tes fins, petit con. Si les djihadistes proclamaient le christianisme, nous, les musulmans, n'aurons jamais fait de vidéo comme la tienne pour dire il faut supprimer les chrétiens, car nous aurons su que les chrétiens ne sont pas tous pareils. C'est approximatif au niveau de la grammaire. Je pense que c'est du niveau de, ouais, des docteurs de l'église, quoi. On en est au niveau pensée, philosophie, c'est beau. Moi, il y a quand même un discours que je peux entendre. C'est, on va dire, les musulmans, bon, qui existent quand même, qui ont trouvé dans l'islam quelque chose d'autre que toute cette mongolitude à laquelle on est confronté aujourd'hui, et qui, eux, essayent de séparer l'islam de l'arabité. Parce qu'en réalité, on voit qu'aujourd'hui, il y a une volonté de conquête arabe qui utilise l'islam comme cheval de Troie, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire leur volonté de dominer l'Europe, d'asservir les Européens, d'assouvir leurs désirs les plus bas en même temps, hein, parce que ça va passer aussi par des viols, des petites danses sur des tombes et tout, comme ils le font à chaque fois. Mais ces mecs-là ont un désir de conquête et ils sentent que ils ont besoin de l'anoblir, et pour amasser des troupes à leur désir de conquête, ils prennent l'islam. Et je crois que c'est pour ça que, à mon avis, dans les groupes armés de Daesh, il va y avoir énormément de convertis, d'Européens convertis, il va y avoir énormément de Noirs. Parce qu'en réalité, je pense que les élites de Daesh sont des élites qui ont plus un désir politique pro-arabe, un désir d'expansion de l'arabité et de l'arabisme plutôt que qu'un désir de d'islamiser le monde, parce que en réalité moi j'avais regardé quelques reportages sur Daesh, je pense que vous les avez vus aussi, mais c'est vrai, c'est les élites de Daesh, c'est des al-Baghdadi, tout ça, c'était des mecs je suis curieux, hein, je suis quelqu'un d'ouvert, tout ça, gentil, mais comment tu vas faire pour séparer l'arabité d'une religion dont la langue liturgique est l'arabe? Qu'est-ce que tu proposes, en fait? Si, le christianisme. C'est-à-dire qu'à la base, les arabes chrétiens sont en fait les enclaves survivantes pré-musulmanes. Et les derniers qu'on trouve, c'est notamment au Liban. Moi, j'ai discuté avec des arabes libanais. C'est des gens tout à fait respectables. C'est-à-dire que tu discutes avec eux, ils répondent... Ils parlent comme nous, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent c'est les musulmans, c'est insupportable, c'est des sauvages, c'est des machins. Et on a... C'est des discussions civilisées. C'est des gens cultivés qui discutent avec toi en français, tu vois. C'est des arabes francophones, chrétiens, et c'est des gens qui vivent chez eux, etc. Et c'est agréable, mais les mecs sont dans un état de sieste. C'est-à-dire que c'est les dernières minorités héritées de l'antiquité chrétienne, tu vois. Les types sont en train de crever, quoi, tu vois. Et là, tu te rends compte de ce que, en fait, si tu veux, c'est des chrétiens. Enfin, c'est comment dire? C'est des arabes de la côte méditerranéenne qui ont été très longtemps influencés par le monde gréco-romain, qui ont été christianisés, avec lesquels on peut s'entendre, tu vois, mais qui ont subi la barbarie, tu vois, du désert persique, érigé au rang de fanatisme, qui a déboulé chez eux au 7e siècle, et les types sont en état de siège depuis. Et c'est juste hallucinant, quand même. Et tu discutes avec des gens comme ça, les mecs te parlent des boucaques mieux que tu le feras jamais, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils les connaissent depuis 13 siècles. C'est leurs frères de race qui ont été transformés par l'endogamie, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Au Liban, les chrétiens libanais ne font pas de l'endogamie, ils ne baissent pas leurs cousines. De ce que j'ai compris, si tu veux, le gros problème que l'islam aura toujours, c'est ce que vient de soulever, c'est le problème que vient de soulever Laurent Gonzon. C'est-à-dire que l'islam est lié intrinsèquement à l'arabité, et en plus, il provient des zones qui, enfin, il suffit. Moi, je sais pas si on peut le mettre en lien avec l'émission, mais un texte, par exemple, le texte d'Ibn Khaldoun, je pense que vous le connaissez, c'est un savant berbère. Qui a écrit sur les Arabes, sur ce que sont les Arabes, quoi. Et il a écrit un petit texte, c'est assez sympathique à lire, quoi. Et en fait, ces peuples-là, tous ceux qui les ont rencontrés, les Perses les dépeignent comme les pires des barbares, les Berbères les dépeignent comme les pires des barbares, les Noirs les dépeignent comme les pires des barbares, tous les gens qui ont eu affaire aux Arabes de la péninsule arabique, là, les dépeignent comme les pires des barbares. Et l'islam provient de cette zone-là, à une époque où on ne bougeait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui. Donc, il s'est développé dans cette zone avec des gens et donc, qui appliquaient les rites anti-islamiques et tout ça. Et donc, l'islam, de fait, est vachement rétrograde pour tout le reste du monde. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas qu'il ait réussi à s'étendre autant et qu'il ait réussi à atteindre l'Asie et tout ça. Parce que ça ne peut que paraître rétrograde aux yeux du reste du monde, étant donné que c'est né dans une ethnie qui était inférieure. Mais non, mais attends, ouais, les QA de chiffres, hein, excuse-moi, QA de chiffres, ça adhère. Ça adhère. Hein. Attends, je vais vous lire une autre réaction. J'en ai plein comme ça à vous soumettre, mais... Pour donner le ton, quoi. Putain de merde, vous cassez les couilles, bande de beaufs. Les fils de pute de terroristes ne sont pas d'islam. Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Attendez 5 secondes. Imaginez des fils de pute vont en Afrique ou autre, ils font une secte terroriste et tuent des gens pour Jésus. Alors vous allez rien avoir, donc les gens vont dire à mort les catholiques. Donc si c'est pour ouvrir ta gueule de raciste, va niquer ta mère et va parler ces fils de pute de djihad en face. Ça a l'air d'être un langage de gogol comme quand tu croiserais dans un hôpital psychiatrique. Détrompez-vous. Il a eu son bac. Alors de là à dire que la France est un asile à ciel ouvert, il y a qu'un pas que je franchis aisément. Hein. On parle bien de droit d'asile. Mais je veux dire, ça revient. Alors, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas... Attendez, d'accord. Okay. Ça n'a rien à voir avec l'islam, les attentats. Alors, d'accord. Donc, si ça n'a rien à voir avec l'islam, ce genre de comportement devrait surgir au milieu du Canada, en plein milieu de l'Inde hindoue, quelque part au nord d'Hokkaido au Japon, et puis pourquoi pas en plein milieu de l'Amazonie. Vous croyez, comment ça se fait que le djihadisme apparaît toujours dans les pays musulmans? C'est-à-dire que c'est des Mongols, les mecs. Des schizophrènes mongols qui t'expliquent que les types qui sont des activistes du djihad n'ont rien à voir. Mais si, c'est une production de l'islam. Est-ce que c'est pas plutôt de la taqiya, comme ils disent? Non, parce que c'est leur donner trop de crédit, tu vois. Vraiment. Ouais, là, c'est-à-dire tu pars du principe que les mecs, puisque la taqiya, oui, ça demande quand même un effort de, tu vois, cérébral, etc. Et pour, en fait, pour la plupart de ces gens-là, quand ils disent c'est pas l'islam, tralala, ça n'a rien à voir, c'est vraiment, moi, je suis comme Gandalf, hein, je pense sincères. Vraiment pas que ça soit de la taqiya, c'est juste de l'ordre du réflexe, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de calcul ou quoi que ce soit, c'est vraiment des gens qui se croient purs, quoi. Je pense qu'il y a quand même quelques boucaques réellement énervés parce qu'ils détestent réellement Daesh. Et du coup, eux, ils se sentent vraiment mal, quoi. Mais bon, il faut bien qu'ils comprennent, ces gars-là, que de toute façon, que ce soit l'islam, que ce soit la délinquance, que ce soit maintenant, de toute façon, l'immigration de masse pose des problèmes qui se manifestent sous des formes multiples, et que ce soit pas les mêmes formes, peu importe, ils ont tous la même cause, l'immigration de masse, et qu'évidemment pour ces mecs-là, peut-être que c'est énervant qu'ils soient dans le viseur, mais c'est comme ça, quoi. Nous, on n'y peut rien, qu'on amalgame, ça devient normal, quoi. Hein, je comprends pas qu'ils le comprennent toujours pas 30 ans après, quoi. Il y a 30 ans, ces réactions-là, on aurait peut-être pu les comprendre. Là, maintenant, notre pays est à feu et à sang à cause de ces mecs-là. Donc, ouais, Captain. Excuse-moi. Il y a, je crois que c'est environ 42% des 18-29 ans d'origine maghrébine en France qui soutiennent les exactions commises par ISIS. Donc voilà. Ouais. Combien? 22? 22%? 42. 42? Oui, rien que ça. Non, mais ce que j'allais dire, ce que j'allais répondre à Gringoy là, c'est que les mecs s'étonnent, hein, tu disais ceux qui sont vraiment choqués, je sais pas quoi, bah écoute, oui, quand tu importes des Arabes, tu importes avec des problèmes d'Arabes. Et effectivement, là, ce sont des problèmes d'Arabes, tu vois, le mec avec son camion, là, à la Wakbar et tout, je veux dire, enfin... On parle souvent des convertis éventuels à l'islam, etc. Mais quel est le dernier converti qui a fait un attentat vraiment sans... Un chrétien. C'est certainement, ça doit exister quelque part dans une dimension. En France, le dernier chrétien converti, hein, faut pas l'oublier ça. D'ailleurs, les arabonnettes comme Aldostérone, vous avez vu comme ils prennent des distances avec cette masse, avec cette populace ignoble qui leur ressemble. Ils prennent clairement leur distance parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, c'était un no way, quoi. Non, mais attends. D'abord, il n'est pas arabe. Il est maghrébin et les Maghrébins ne sont jamais arabes. Faut pas oublier ça. Parce qu'il faut pas. Je dis toujours ça, j'insiste, je reviens là-dessus. Il ne faut pas donner des titres de gloire à ces débiles. Dans leur mentalité à eux de dégénérer, être arabe, c'est la classe, tu vois. Sauf que ces maghrébins à la con ne sont pas des arabes. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Donc j'insiste. Là, je voulais juste rebondir sur le côté géopolitique à la mort moelle-neuve, vous voyez. Parce que parmi le lot d'excuses qu'on se tape, c'est « Ah, mais vous avez attaqué l'Irak. » Alors vous, la France a attaqué l'Irak en 2003? Non, elle s'est opposée à l'attaque, vous voyez. Mais on nous la sort, on dit « Oui, vous avez attaqué. » Mais qui vous? Quoi? Comment? Tu vois, c'est toujours ces excuses à la con. Est-ce qu'il dit « Oui, mais vous avez alimenté l'État islamique. » Probablement les gouvernements occidentaux, mais qui d'autre? L'Arabie Saoudite? Le Qatar? La Turquie? Ouais, ça fait des pays musulmans quand même là-dedans. On peut pas dire le contraire. Les frères musulmans, ils ont pas cherché à renverser Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, c'est pas un chiite à la base? Alors les sunnites, ils sont solidaires des chiites en Syrie, mais c'est quoi l'embrouille? Mais donc c'est des gens, tu vois, ils sont toujours en train de te raconter des bobards, alors qu'en fait, ce sont des chiens entre eux. Ce sont des chiens entre eux. Ils se tuent entre eux. Ils se tuent entre eux. Ils s'égorgent entre eux. Et ils viennent te faire du chant, machin. Non, les Arabes, les musulmans. S'entre-massacre depuis toujours. C'est leur passe-temps favori. Et ils viennent te voir en chialant toujours la même chose en disant voilà, j'ai des royalties, voilà, hein, je me victimise, mais moi je suis un être pur, etc. Mon cul à coup de crosse dans la gueule, ces mecs-là n'ont jusqu'à la fermer. Mais vraiment. Et ils te sortent de la géopolitique de comptoir, toi, pour légitimer leur truc. Alors qu'entre eux, ce sont des chiens. Entre les Iraniens, les Saoudiens, les Turcs, les Égyptiens, les mecs s'entre-déchirent, se tuent. Ça se voit même avec ce double discours, même avec la question des Palestiniens, parce que en France, tu vois, tous les Maghrébins se sentir solidaires de la cause palestinienne, etc. Alors que, traditionnellement, dans le monde arabe, les Palestiniens, c'est considéré comme une sorte de sous-race, c'est considéré comme les Roms du monde arabe. Bah, raison. Bah, vous savez quoi, les Marocains, moi, je le tiens d'un ami qui a bossé au Maroc. Les Marocains, bon, évidemment, ils discutaient avec des Marocains, quoi. Et sur la question, les Marocains disaient « le peuple zéro ». Tu sais, mon collègue, il dit ah, « quoi le peuple, comment ça de quoi tu parles ?»« Bah, les Palestiniens !»« Ouais. » »« Et ?»« Bah, le peuple zéro. C'est le peuple zéro, les Palestiniens. »« Ah bon, pourquoi ?»« Mais ils sont incapables de foutre quoi que ce soit. C'est des minables. C'est moins que rien, les Palestiniens. » Ils sont considérés, comme tu l'as dit, universellement... La racaille palestinienne est considérée universellement, effectivement, comme les Roms, comme les gitans du monde musulman. La seule raison pour laquelle les Maghrébins de France affichent une solidarité avec les Palestiniens, c'est par tiers-mondisme, la bannière des pauvres. Enfin, c'est du chantage psychologique, quoi. Ah oui, complètement. Toujours la même chose, c'est-à-dire, tu me dois quelque chose. Et c'est ça, c'est cette mentalité, bon, un peu comme certains avec la Shoah, eux ont leur palestinien, voilà. C'est chacun cherche son petit, sa petite cause. Libérer la Palestine et je rentrerai en Algérie. Non, et ce qui est marrant, c'est que, c'est des réactions que tu as lues. Tu vois que c'est des gens qui voudraient sortir du « nous », parce qu'ils ont bien compris, enfin du « nous » algérien, maghrébo, musulman, parce qu'ils ont bien compris que ça risquait de coûter cher. Sauf qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois qu'en fait, le « nous » ressurgit sans arrêt de leur bouche et ils n'arrivent pas du tout à évoluer de manière individuelle avec la responsabilité individuelle, le dépassement du conditionnement communautaire. Ils n'y arrivent pas, quoi. Ils sont... je pense que... C'est le tribalisme, ils ont les comportements les plus tribalistes qu'on retrouve en Europe, hein, encore plus que les Juifs. Hein, parce que les Juifs sont quand même capables... Enfin, il y en a énormément qui sont capables au moins d'en sortir au moins en façade, en facette. Eux, ils ne savent même pas le faire en façade, quoi. Je crois qu'on va quand même devoir conclure sur l'idée que donc, tout ça... Et à la réconciliation, non ? J'avais une forme de conclusion, et justement, en parlant de réconciliation, ça le fait. Et vous allez voir où je vais en venir. C'est finalement, sur tous ces événements qui sont très graves, c'est le point de vue de quelqu'un qui compte, quelqu'un qui suscite du respect, je crois. C'est le point de vue de Laurent Louis, député belge. Ex-député belge. Ex-député islamiste. Enfin, non, peut-être pas député islamiste, mais il est converti à l'islam. Attends. Il a fait partie d'un parti islamiste à une époque. Il est converti à l'islam, il est marié en algérienne, il est circoncis, et évidemment, quand on met un attardé de Belgique avec une algérienne, qu'est-ce que ça produit ? Dégénéré, sa fille est handicapée, n'allez pas chercher trop le pourquoi du comment. Alors, sa réaction face aux attentats de Nice, quand même, ça va être la conclusion. Je vous la cite. Parce que c'est tellement révélateur du reste. Parce qu'on parle des Algériens qui sont des débiles mentaux, mais il y a quand même un paquet de prolos blancs dégénérés qui adhèrent à cette merde, hein, quand même. Alors là, lui, c'est une forme de synthèse, et je vous la cite. Voilà ce qu'il dit. « N'en déplaise à François Hollande, à cet instant, rien ne permet, alors que c'est au moment des attentats, rien ne permet d'affirmer, comme le font tous les responsables, les politiciens, même outre-Atlantique, bien entendu, qu'il s'agisse d'un attentat islamiste. Ce n'est pas parce qu'un Niçois a des origines tunisiennes que d'office cela fait de lui un membre potentiel de Daesh. Rien ne dit que cet individu domicilié à Nice n'est pas tout simplement un déséquilibré dépressif qui a commis un acte par désespoir. Ce ne serait pas la première fois qu'un homme suicidaire déciderait de se donner la mort en opérant une action de ce type, un peu comme s'il voulait faire un coup d'éclat avant de partir tout en emmenant avec lui des innocents. C'est dégueulasse, c'est ignoble, mais ce n'est pas pour autant un acte terroriste. Des déséquilibrés, des fous, des personnes suicidaires, ça existe, et ce n'est pas parce que ces personnes ont des origines maghrébines ou arabes que cela fait directement d'elles des terroristes de Daesh. Dernière réflexion, il est déplorable de constater que sans avoir mené la moindre enquête au sujet de la personnalité du déséquilibré, le président français a décidé que cet individu était un terroriste islamiste alors que rien ne permet de le penser. Un tel raccourci est selon moi une démonstration grave du racisme et de l'islamophobie qui se développe actuellement dans nos pays. Il ne fait vraiment pas bon être musulman de nos jours. Merci Laurent Louis, merci Alain Soral. Merci à tous, merci à tous pour cette émission, je pense, assez riche, assez dense. Et à la semaine prochaine. À bientôt, chers amis.